Thierry Amiel sur Radio Contact, c'est un bon réveil qu'on vous souhaite ce matin. Ça démarre bien, j'avais oublié le titre. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Ed Sheeran est passé par les studios de Radio Contact. You broke and I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now I'm gonna paint you by numbers and color you in. And if things go right, we could frame it and put you on a wall now. And it's so hard to say it. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Du lundi au vendredi, 16h-20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. Parce que tu dois être proche d'eux. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h-20h sur Radio Contact. Radio Contact. Télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Contact. Radio Contact en télévision. C'est donc la semaine de rentrée. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui circulent à Bruxelles. Le tunnel Stéphanie est à nouveau ouvert. Il était fermé depuis février. Les travaux sont terminés. Les plafonds du tunnel ont été consolidés et rénovés. Les recherches dans la Sambre interrompues hier soir. Un jeune garçon de 8 ans est introuvable. Il est tombé d'un bateau de plaisance samedi à l'aube. Les recherches reprendront ce matin. Charleroi en tête du championnat de football. Après 5 journées, les Carolos profitent notamment du nul entre Anderlecht et la Gantoise. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, 2-2. Les Buffalo ont égalisé dans les toutes dernières secondes de cette rencontre. Une égalisation méritée, selon Daniel Milicevic. On ne méritait pas de perdre. On avait bien commencé tout le match, le poteau de Neto, les occasions de Jérémy avec moi et Simon. Et voilà, on revient tout de suite dans le match avec ce fantastique but de Simon. Après, on a commis deux erreurs qui nous coûtent très cher. Et venir au Parc Astrid à faire le jeu, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde. Mais on est satisfait de notre début de championnat parce que l'objectif primaire, c'était de se qualifier pour la phase de groupe. Ce qu'on a fait et commencer bien le championnat. Je pense que si on gagnait aujourd'hui, c'était parfait. Voilà, on a pris un point, c'est pas mal quand même. 2-2, c'est aussi le score entre le club de Bruges et le Standard en clôture de cette cinquième journée. Genk s'est imposé 1-0 contre Zulte Waregem. En football, toujours, le tirage au sort des 16e de finale de la Croquis Cup se tiendra ce midi. Il se déroulera au siège de l'Union Belge à Bruxelles. Enfin, le circuit de Spa-Francorchamps a vibré ce week-end au rythme des Formule 1. Un Grand Prix de Belgique remporté par l'Allemand Nico Rosberg. Il a devancé l'Australien Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton. Le Britannique termine 3e alors qu'il était parti en 21e position sur la grille. La suite en musique sur Radio Contact avec Drake et One Dance. Bonne matinée, bon réveil. Après Contact News, c'est la météo, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on annonce pour aujourd'hui ? Eh bien, c'est une journée pas terrible aujourd'hui pour commencer la semaine. Ce sera la seule, normalement. Donc, le temps sera variable aujourd'hui. Des nuages et quelques averses possibles localement. Et les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés. Merci beaucoup. Précisons quand même qu'à Spa, il ne pleuvra pas avant 13h. Jusqu'à 13h, pas de pluie. Donc venez nous rejoindre ici au parc des 7h. On est tranquille, on est feel good et on est là jusqu'à 10h. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Radio Contact dans le Good Morning, c'était One Dance. Le replay. Alors, c'est un petit peu bizarre ce matin. Ouais. Normalement, le replay, on rappelle, c'est le principe, c'est le meilleur de la veille. Voilà, le meilleur de la veille. En l'occurrence, là, la veille, c'était il y a un moment. Oui. C'était quoi ? C'était le 1er juillet ? Bon, je sais pas, oui. Moi, j'ai un disque dur qui oublie. C'était le 1er juillet. Ouais. Sauf que. Oui. Notre producteur a trouvé qu'on n'avait rien fait de bon après le 20 juin. Voilà. Il faut savoir que nous ne sommes que des pions. Hein. Il y a le directeur, voilà. Il y a le producteur qui décide. Décide et, là, et là où il décide, oui. Et exécutif. Non, hein. je subis. Oh, ce n'est pas la même chose. Comment ça va, Pascal ? Mal. Mais non, mais c'est la rentrée, les gars.

Et on sera pas tout seul. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, on sera pas tout seul. Petit déjeuner pour 500 personnes en collaboration avec nos amis de IKEA qui, il faut le saluer, ont fait un travail remarquable. Incroyable. Franchement, ils ont préparé ça de main de maître. On l'a rencontré hier soir quand on est venu voir le montage, Maria. La dame qui s'est occupée de la présentation, de mettre en scène. Qui a dessiné la table, voilà. En fait, ouais. Franchement, le travail, c'est impeccable. C'est vraiment, on met l'assiette avec le bord à tel endroit, la barre à tel endroit, le couteau, etc. C'est vraiment... C'est le petit déj presque parfait. Plus exactement, que parfait. Exactement, plus que parfait, certainement. On attend donc 500 personnes ce matin. Si vous avez reçu votre invitation, évidemment, rejoignez-nous. Alors, il se pourrait qu'il y ait l'un ou l'autre désistement, ça, comme toujours. Voilà, ou des gens qui n'ont pas ouvert leur mail de confirmation, évidemment. Si c'est possible. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas eu de mail de confirmation, mais que vous souhaitez quand même nous rejoindre parce que vous êtes dans les parages, n'hésitez pas, on ne sait jamais, vous pourrez peut-être vous aussi prendre le petit déjeuner avec nous ce matin et faire partie de ces 500 personnes qui vont battre donc ce record. Ouais, surtout qu'il y a des cadeaux qui vous attendent. Hein. Franchement, la table est remarquablement dressée. Je vois des petits sacs à dos avec un petit plaid si jamais vous avez un petit peu froid aux jambes et tout. C'est minouche, ça. Ouais, c'est pratique. Ça vous parle, les filles, les petits plaids quand on a froid aux jambes. Mais tu sais que même quand il fait chaud et que je regarde la télé, j'adore être sous mon plaid. Ah oui, c'est le côté rassurant du plaid. Ouais, sans doute. Bah, quand il te reste plus que ça. On aura donc des cadeaux à vous offrir pour ceux qui viendront prendre ce petit déjeuner. Il y aura 500 €. Vous ferez plaisir avec 500 € chez IKEA. Et il y a moyen de se faire plaisir avec 500 € chez IKEA, clairement. Mm-hmm. Pour ceux qui nous écoutent, là aussi, 500 € pour vous faire plaisir chez IKEA. On vous offrira ça tout à l'heure. Et puis d'autres surprises pour les personnes qui nous rejoindront ici. Franchement, si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure également, et ça fera plaisir, la gourmandise de Maria. Bon. Oui, je reconnais bien là. Gourmande arme. I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. I'm the realest it gets. You probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm a matter from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make you kneel, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm high like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure of heaven. I'll give it to you hotter than hell. Hotter than hell. Sur Radio Contact, Harder Than Hell. C'est pas qu'il ne sait rien faire d'autre, Allô? Mais au standard, c'est le meilleur. Mais je sais pas. JC depuis le centre des appels du Good Morning. Oui, oui, allô? Il est vraiment bien ce petit tapis, hein, cette petite accroche, c'est vraiment sympa. JC, comment allez-vous? Allô, équipe de Good Morning. Oui. Oui, allô, JC depuis le centre des appels de l'émission. Oui. Comment ça a été les vacances? Oh, bah dis donc. Vous, ça vous a pas entraîné. Reposé, hein. Il s'est pas entraîné, en tout cas. Il a pas répété avant de venir. Ça oula, il pas du tout. On va le braquer dès le oui, premier jour. Dites déjà beaucoup d'appels d'auditeurs qui sont rassurés de voir que Maria est bien là. Parce que vu son âge, ils avaient peur avec la canicule. Donc de ce côté-là, tout va bien. C'est nul, contente-toi de boire de l'eau, toi, beaucoup. Ils utilisaient depuis le temps les appels à vous les installations. Il a pas répété. C'était ça la vanne. Je pensais que c'était une pré-vanne, moi. Ah non. Moi, j'attendais la vraie vanne. Galantis arrive avec No Money sur Radio Contact. Et à 6h30, ce sera Contact News. Ouais. Oui. Charlie Puss est passé par les studios de Radio Contact. Without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Without you, I'm feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day you're home. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Il a gagné grâce à Radio Contact. Tu nous as envoyé les 4 bonnes réponses et bonnes nouvelles. C'est gagné! Bravo, Geoffrey, tu pars à Los Angeles. Voyage d'une valeur de 4000 euros offert par Radio Contact et le Good Morning, c'est génial. J'en reviens vraiment pas. Ah, il est hyper ému, ça fait super plaisir. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact! Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Radio Contact. Feel good. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Wolu TV, Canal 12. Dans le Good Morning, Maria et Olivier vous donnent aussi des conseils. Vous le savez, les enfants passent un peu trop de temps devant les écrans. Mais qu'est-ce que c'est pratique pour les parents? Mais chez toi, c'est Diego qui te met devant la télé, c'est ça? De 6h à 10h sur Radio Contact. C'est le Good Morning. Le son de Galantis sur Radio Contact dans le Good Morning. De retour ce matin, évidemment, c'était No Money. Pour toute la famille, un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Un portable avec clavier pour le travail, une tablette avec écran tactile pour la maison. Chez Vandenborg. Contact News. À 6h30 avec Nathanaël Poli, bonjour. Ça commence bien. Ça démarre bien. J'ai une nouveauté. J'ai une nouveauté, Tatanel. Oui, absolument. Plus ou moins, oui. Ouais. Désolé, Tata. C'est à toi. Bonjour. Bonjour, Maria. Bonjour à tous. Ça sent la fin des vacances. La rentrée scolaire, c'est pour dans quelques jours. Une rentrée qui coûte. Plusieurs associations se mobilisent. Elles lancent des appels aux dons pour offrir du matériel scolaire aux enfants et familles défavorisées. Et c'est le cas notamment de la Croix-Rouge en Luxembourg. Détail avec Jean-François Six. À quelques jours de la rentrée, les sacs d'école sont attendus avec une grande impatience dans les maisons Croix-Rouge. Jessica Roncin, responsable Luxembourg des vestiboutiques. Des cartables, des sacs à dos, sacs de piscine, crayons, marqueurs, plumiers, latte équerre, si possible en bon état. La rentrée, un moment difficile à passer pour de nombreuses familles, vu le prix de tout ce matériel. La Croix-Rouge appelle aussi aux dons de vêtements. Qui dit rentrée scolaire dit changement de garde-robe, l'hiver qui arrive. Donc évidemment, au niveau des vêtements, on a toujours un besoin, principalement entre les 6 ans et 14 ans. Une fois récoltés les vêtements et le matériel scolaire, partent en priorité vers les publics les plus précarisés, mais pas uniquement. Rachel Ridol, la directrice provinciale à la Croix-Rouge. Les dons sont mis dans nos vestiboutiques, ce sont des magasins ouverts à tous. Et donc il y a un tri évidemment par les volontaires. On les vend à petit prix vraiment parce que c'est ouvert à tous, mais pour les personnes qui sont plus précarisées, évidemment, on donne tant les vêtements que le matériel. Et les bénéfices de ces ventes à petit prix sont réinvestis dans les projets sociaux menés toute l'année par la Croix-Rouge. Explosion cette nuit à Neder-Overhembeek en région bruxelloise à l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique. Il s'agirait d'une attaque à la bombe, mais ce n'est pas confirmé pour l'instant. Il n'y avait personne dans le bâtiment. Les dégâts sont importants. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Les suites de la fusillade à Spy samedi soir lors d'une fête de fiançailles qui a fait un mort. L'autopsie de la victime. Un homme touché par deux balles est prévu ce matin. Des membres du groupe de motards Hells Angels se seraient impliqués. Le parquet s'attend à une enquête longue et complexe. La tête de Yannick Ferreira à la tête du Standard semble sauvée, du moins pour l'instant. Les Rouges ont arraché un match nul hier 2-2 sur la pelouse du club de Bruges lors de la cinquième journée du championnat. Les Liégeois menaient au score mais ont été rejoints dans les arrêts de jeu de la rencontre. L'entraîneur du Standard était déçu du résultat et en colère contre l'arbitrage. On peut s'estimer un peu frustré par ce point pris. Je veux dire, quand on vient à Bruges, je pense que beaucoup d'équipes signeraient pour prendre un point. Nous, on avait tout en main pour prendre les 3 points. Donc on est frustré de résultats, frustré que d'encaisser un but dans les arrêts de jeu, tout à la fin des arrêts de jeu, frustré que l'arbitre n'ait pas sifflé une faute évidente juste avant que Bruges n'égalise dans les arrêts de jeu. Mais d'un autre côté, on est très très fiers de ce qu'on a montré. Les joueurs ont vraiment montré beaucoup d'abnégation, ils ont montré beaucoup de combativité, ils ont parcouru beaucoup beaucoup de kilomètres. Et je suis très très fier de ce qu'ils ont montré aujourd'hui en tout cas. Anderlecht et la Gantoise se sont aussi quittés sur un match nul hier soir, 2-2. Enfin, il y a du tennis aujourd'hui. 3 Belges disputent leur premier tour à l'US Open. Elise Mertens, Alison Van Hooydonk et Steve Darcy. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoediscount.be. Shoe Discount. 6h passées de 33 minutes, on fait le point sur la météo. Pas de pluie du côté de Spa ce matin. En tout cas, pas mal de nuages ce matin sur l'ensemble du pays. Quelques averses seront possibles par endroit. Ensuite, le soleil sera de retour. Les maxima oscilleront aujourd'hui entre 18 et 23 degrés. Merci Nathanaël. Maria qui était au cinéma. Merci beaucoup Nathanaël. Mais que dire d'autre? Prochain Contact News, ce sera... Voilà, elle est vraiment au cinéma. Je souhaite ton film. Oh, j'entends Pascal de Rieur. Ah, bah oui, évidemment, il se moque, il rigole. Prochain Contact News, ce sera à 7h. Et puis avant 7h, il y aura l'horoscope de Patrice Émilis. Il y aura également... il sera de retour, c'est JC au centre des appels. Et puis, bien sûr, Géraldine. Alors, Géraldine est toujours en vacances. Mais en attendant ce retour, on fera le meilleur de Géraldine. Oui. À tout de suite. Tout de suite. down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Coldplay, Viva la Vida sur Radio Contact. Le replay. On vous l'a dit, on est à Spa pour le plus grand petit déjeuner. 500 personnes vont prendre le petit déjeuner en même temps avec une petite touche suédoise et quelques surprises ce matin. Alors il y a ceux qui ont reçu leur invitation et puis il y aura certainement l'un ou l'autre désistement. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes dans les parages, province de Liège. Rejoignez-nous, parc de 7h du côté de Spa. Excuse-moi, pourquoi est-ce qu'il a dit le replay? Le replay? Oui. Parce qu'en fait, on va écouter Géraldine, mais c'est le meilleur de Géraldine, parce que Géraldine, comme tu le sais très bien, est en vacances. Est toujours en vacances, ah, évidemment. C'est ça. Voilà, du coup, jusqu'au presque à la fin du mois de septembre, c'est le meilleur de Géraldine. C'est en même temps, et il y en a eu beaucoup des Géraldine, beaucoup des très bons, donc c'est pas mal de se les réécouter. Exactement. Géraldine sur Radio Contact dans le Good Morning, c'est maintenant. La chronique de Géraldine. Elle est de retour ce matin, c'est Géraldine. Bonjour Olivier, bonjour coucou Maria, Géraldine. Coucou les cocos. Je profite de l'exposition médiatique que vous m'offrez grâce à votre superbe émission pour lancer un appel à l'aide. Mais oui Maria, je cherche désespérément parmi les auditeurs de contact quelqu'un qui serait intéressé pour devenir mon partenaire de tennis. Ah. Mais parce que celui que j'avais, c'est-à-dire mon mari Jean-Jacques Gérard, a déclaré forfait, mais je vous explique Olivier. Nous étions en train de jouer un match de double avec des amis dans notre superbe club de l'Asne, mais je me battais sur chaque balle telle une Serena Williams en finale de Roland-Garros, accompagnant mes coups de raquette rageur d'un cri strident semblable à celui-ci. Mais Maria, le problème, c'est que ces cris ont eu un effet inattendu sur mon mari, lui provoquant des pulsions érotico-sportives au niveau de l'entrejambe, évidemment, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ah oui. Mais j'étais mortifiée devant nos amis, ils n'étaient pas dupes, ce n'étaient pas des balles de tennis qui créaient cette proéminence dans son short, bien sûr. Il fallait que je trouve un moyen d'arrêter la partie. Alors, profitant d'un échange de côté, je lui ai envoyé un coup droit ravageur dans les parties. Depuis ce malencontreux incident, Jean-Jacques Gérard est traumatisé par le tennis, au point que chaque fois qu'il voit un match de Maria Sharapova à la télé, il part s'enfermer plusieurs heures dans les toilettes pendant longtemps. Mais oui, Maria, je suis seule. Et bien sûr, il refuse désormais de rejouer avec moi. Mais voilà donc à la recherche d'un nouveau partenaire. Alors, Maria et Olivier, est-ce que quelqu'un a appelé au standard? Pas encore, apparemment. Non. Ah, mais attendez, j'ai une idée. Ah. Ça me revient maintenant. Olivier, oui. J'ai entendu dire que vous maniez le manche avec dextérité. Ah, oui. Hein? Que vous étiez en quelque sorte le Raphaël Nadal du Nord, n'est-ce pas? Ouais, pas besoin de chercher plus loin. Là, mais c'est dit, mon ami. On dit mercredi soir à 18h. Je passe vous prendre. N'oubliez pas de prendre vos petits shorts blancs, vos balles, vos Gatorade et votre essuie pour la douche d'après-match. Ce sont des douches communes. Ça va, vous allez pouvoir me savonner le dos. J'apporterai le gel douche fin sensation et la grosse éponge de crin. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais encore m'entraîner avec ma femme de ménage. Bon, ce n'est pas une championne, évidemment, mais chaque fois que je lui crie « Renvoyez !» afin qu'elle me relance la balle, elle s'applique de peur d'être vraiment renvoyée. Bonne journée à tous. Radio Contact, 6h41. Dans la suite, il y aura l'infotrafic et il y aura JC également. Maître Gims arrive avec Sia, je te pardonne. Oh là là.

Pour le moment, il n'y a pas d'autres soucis qui mènent à Bruxelles, mais vous pouvez donc nous joindre pour nous signaler s'il y a quelque chose de particulier. Wow. C'est 0823. C'est pas vrai. 0823 493 ou par SMS au 3493, c'est 15 centimes par message envoyé. Et puis attention, on nous signale un soulèvement de la chaussée sur le grand ring de Charleroi. On parle donc ici du R3, prudence à hauteur de Gouy-les-Piétons, c'est en venant de Fontaine-l'Évêque. Et ouais. La voie de gauche est détériorée au kilomètre 31.6. Et alors, on termine par des bonnes nouvelles. Oui. À Bruxelles, le tunnel Stéphanie est à nouveau accessible. Et à l'ami est nouveau ouvert. C'est la fin du chantier dans le virage de Forêt. Oh, mais génial! Et bravo. Et alors, tu sais quoi? En 2 mois, on sent une maturité acquise comme ça. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Des mots comprimés. Et pourtant. C'est horrible. Eh bien, franchement, bravo. Ouais, bravo. C'est le 0 ou 100 dans l'endroit. Di Maro et Asi avec Last Night arrive. C'est pas qu'il ne sait rien faire d'autre. Allô? Mais au standard, c'est le meilleur. Oh mon Dieu. JC depuis le centre des appels du Good Morning. Et c'est bien la folie, les gars, hein? Ah, ouais, à 6h47, oui. C'est la folie avec JC, c'est la folie au standard aussi. Oui, JC, depuis le soir des appels du... On te réveille. Je lui ai posé une question qui n'était pas écrite. Un auditeur qui veut rester anonyme, donc nous l'appellerons Gariem, bien sûr. D'accord. Oui, il voulait dire que Maria, c'est pas du tout comme les meubles Ikea. Il faut beaucoup plus de temps pour la monter. Hein. J'y sais, il suffit d'avoir le bon tournevis, hein. J'y sais depuis le choc des appels. À vous les mots d'emploi. Le Good Morning avec Maria et Olivier sur Radio Contact. Quel, c'est bien parti ça. Ah, punchline ici, hein. Ah Maria. Ah bah il faut se défendre. Ah bah attends. Di Maro, Pegasus, Last Night, c'est bon. There are nights when the world is asleep and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do things just the same? Would I leave behind the mark I left on all the loves and places? On every sheet I signed my name. Would I do the same if this was my last night on earth? If this was my last call, I would say the things I never said. If this was my last night, if this was my last night, I would give it all I got. Well, every mile I walk along my way, find a place and a meaning. Is there a reason for the things I've done? For every day that I was gone, I'd reveal my secrets soon. All my hopes and fears to you, I wouldn't mind carrying the weight. It wouldn't be too late if this was my life. avec Last Night on Earth sur Radio Contact, 6h51. Tout à l'heure, 7h40, ce sera Pablo Andrés et la Jean-Veragon. Bah oui. Elle est là, Patricia Milly, c'est son grand retour aussi sur Radio Contact ce matin. Belle rentrée et bonjour Patricia. Bonjour tout le monde, Bélier, Uranus évolue librement dans votre signe. Vous vous sentez léger et rempli de nouvelles résolutions. Taureau, les critiques émises par le secteur amical ne vous plaisent guère, vous n'êtes pas prêt à vous laisser faire. Gémeaux, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde que votre conjoint, mais vous faites des efforts pour repartir du bon pied à deux. Cancer, en recherche d'un nouveau logement, vous trouverez rapidement, vous avez du flair pour les bons plans. Lion, la prudence est recommandée du côté des dépenses, n'y allez pas trop fort pour la rentrée quand même. Vierge, ne pensez pas que tout est acquis, certaines situations se méritent, il est grand temps d'y penser. Balance, vos intuitions ne vous trompent pas, une situation agréable se dessine doucement dans votre vie. Scorpion, il y a des situations que vous ne pouvez tolérer, vous qui prenez la justice, vous mettrez les pieds dans le plat. Sagittaire, entre les démarches, contacts, les rendez-vous, vous n'aurez pas une minute à vous, la journée s'annonce très active. Capricorne, les négociations financières liées aux professionnels ont toutes les chances d'aboutir, n'attendez plus. Verseau, besoin d'un prêt ou d'un soutien financier, vous l'obtiendrez après le dépôt d'un dossier en béton. Poisson, ne divulguez pas tout ce que vous faites, surtout s'il s'agit de transactions financières. On ne sait jamais. Excellent lundi à tous. Cocoon sur Radio Contact avec I Can Wait. Coco. Je ne ferai pas de commentaires. Vaut mieux. Bientôt 7h, Contact News. Et on est au parc des 7h ici. Donc hey, ça tombe bien. Bah oui. Hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Baze vous fait tourner la tête. Avec 150€ de réduction sur l'iPhone 6S avec un abonnement ProConnect. Si avantageux qu'on oublierait de l'apprécier à sa juste valeur. Allez, c'est pas pro quoi. Go Mobile. Baze. Infos et conditions sur baze.be. C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jetair Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Bah ouais, le rythme de la course était fort, il y a eu cette échappée là, mais bon alors après on a réagi, hein, hop, et toute l'équipe, et voilà, on est en tête maintenant, c'est bien. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa ? Oui ? Tu me passes ta carte ? Demande à maman. Vous avez entre 18 et 28 ans ? Découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Du lundi au vendredi, 16h-20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. Parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h-20h sur Radio Contact. Justin Bieber, en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Sur la route et vous constatez un accident ou un radar, informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact? It's my station. De tout savoir sur les prochains concours et concerts, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Snow, canal 54. Pour arriver à l'heure dans le Good Morning, rien ne sert d'aller trop vite. Alors notre producteur est en retard, est-ce qu'on peut avoir une excuse? Bonjour Mario, comment ça va? Pascal qui respecte la zone 30 sur l'autoroute. Hein. Il paraît que Aurélie t'a dépassé, tu roules tout doucement. Oui. Tu roules avec des gants et un chapeau? Le Good Morning, c'est tous les matins sur Radio Contact. Le Good Morning. Wait sur Radio Contact. On est là aujourd'hui. Bonne matinée, bon réveil, c'est le Good Morning, on est de retour. Contact News. Avec Nathanaël Poli. Bonjour Nathanaël. Bonjour Maria, bonjour à tous. Il s'agirait d'une attaque à la bombe. Une explosion s'est produite cette nuit à l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie à Neder-Overhembeek en région bruxelloise. Une voiture serait entrée sur le site vers 2 heures avant de faire sauter une bombe. Il n'y a pas de blessés, mais les dégâts sont importants. L'actualité ce matin se passe aussi aux États-Unis, à Los Angeles, où la panique s'est emparée de l'aéroport. Une partie du site est fermée à la suite d'une possible fusillade qui n'est pas confirmée pour l'instant. On n'en sait pas plus pour le moment. Cette question à présent, quelle est la ville la plus accueillante de Belgique? C'est Bruges. Elle figure en 9e position d'un classement mondial publié par un magazine de voyage américain. La Venise du Nord est la seule ville belge à apparaître dans ce classement. Reportage sur place de Pascal Ourmand. Bienvenue à bord pour ce tour d'une demi-heure sur les canaux. Le charme de Bruges, c'est avant tout ses canaux et ses bateaux. Gilles, un flamand, s'apprête à emmener une amie allemande sur l'eau. Je voudrais de voir Bruges avec le bateau. C'est romantique. Bruges, c'est aussi le ballet des calèches et ses terrasses. Valérie, une liégeoise. C'est-à-dire qu'on a été très bien reçus au restaurant, très bien, oui. Pour Mark Nate, le propriétaire d'un magasin de souvenirs, c'est un devoir de bien accueillir les touristes. On essaie de parler les différentes langues. Alors vous parlez combien de langues ? 4. On essaie même de servir les Russes avec quelques mots. At the moment we're here. Dans les offices du tourisme aussi, le personnel parle 5 ou 6 langues et Anne Merler, sa porte-parole mise sur la serviabilité. En faisant des réservations des hôtels, on a du free wifi. À cela s'ajoute la qualité de l'information et les nombreuses facettes de la ville. On est très connus pour les primitifs flamands, plusieurs fois sur la liste de l'UNESCO, l'ancienne ville avec le béguinage. Sans oublier la dentelle, de quoi faire venir 6 millions de touristes chaque année. Et Bruges, c'est aussi la ville du champion de Belgique de football, des Bloenswaart qui sont passés tout près d'une défaite hier face au Standard lors de la 5e journée du championnat. Ils ont égalisé dans les toutes dernières secondes, score final 2-2, même résultat entre Anderlecht et la Gantoise. Au classement après 5 journées, donc Charleroi est seul en tête. Anderlecht est 5e, Gand 6e, Bruges 9e et le Standard 11e. Enfin, elle a encore écrasé la concurrence. Beyoncé a remporté cette nuit plusieurs prix, dont celui de la vidéo de l'année aux Video Music Awards. Récompense pour le clip de Formation qui évoque les violences policières contre les Afro-Américains. 7h03, c'est Radio Contact, c'est le Good Morning. Jusqu'à 10h, on est de retour avec le son que vous aimez, celui de Kid Noise et Ocean. Et on fait le point sur la météo. Quoi de neuf au programme ? Alors d'abord, pas mal de nuages aujourd'hui. Quelques averses aussi qui se déplaceront du nord au sud du pays. Le temps sera ensuite plus sec avec même quelques larges éclaircies. Les maxima oscilleront aujourd'hui entre 18 et 23 degrés. Merci beaucoup Nathanaël. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 7h30 pour le prochain Contact News. Dans les prochaines minutes, on va aller se balader parce que les gens commencent à arriver ici au parc de 7h à Spa. On va aller se balader, voir un petit peu dans la file ce qui s'y passe. Et puis, on vous rappelle qu'on est là jusqu'à 10h pour battre un record, celui du plus grand petit déjeuner. 500 personnes vont prendre ici leur petit déjeuner en collaboration avec Ikea. Ikea qui a mis les petits plats dans les grands. Franchement, il faut le dire. C'est le cas de le dire, ouais. Hyper impliqué et franchement, un travail incroyable de la part de toutes les équipes d'Ikea qu'on peut vraiment féliciter. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes là du côté de Spa. On est parc de 7h ici, les tables sont dressées pour vous, donc venez battre ce record avec nous. On est de retour, c'est le Good Morning, 100% feel good ce matin. Le Good Morning de 6h à 10h. Part of ocean, I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed a door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. Behind me. behind me something more. One day I'll stop it all, it's true, and I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, behind me, Noise sur Radio Contact dans le Good Morning. Bon réveil, c'était Ocean. Pour sa rentrée, le Good Morning vous offre 500 petits déjeuners. Ouais, c'est carrément énorme. Le Good Morning, votre émission matinale numéro 1 qui vous offre le petit déjeuner ce matin. 500 petits déjeuners ici au parc de 7h. Les gens commencent à arriver massivement. C'est très impressionnant de voir cette file et certainement encore plus impressionnant de voir cette belle table de plus de 125 mètres de long avec tout le matériel dessus, le petit équipement. On a même prévu avec nos amis d'IKEA le petit plaid hein, pour vous mettre sur les genoux parce qu'il fait un petit peu frais ce matin du côté de Spa. Frais mais pas pluvieux. On va passer un super moment jusqu'à 10h. Je peux vous dire qu'on vous réserve pas mal de surprises. Il y aura notamment la petite gourmandise de Maria tout à l'heure. Ça va oui, être chouette, ça. Oui, tout à fait. Oui, oui, tu vas voir. Ça va bien te plaire. Alors, Maria, tu es à l'extérieur du camion. C'est quoi l'ambiance, là? Alors, l'ambiance, c'est incroyable. Il y a une file. Tu vois, t'as vu l'exposition Harry Potter? Oui, absolument. Tu as eu l'occasion de voir la file qu'il y avait? Absolument. On est un peu là-dedans, tu D'accord. vois. D'accord. Donc, voilà, une file incroyable créée par tous les gens qui se sont donc inscrits pour participer au petit déjeuner. Et puis, il y a ceux aussi et celles qui viennent juste nous dire, nous faire un petit coucou avant de partir travailler. Il y a notamment la maman qui est là, qui s'appelle comment ? Muriel. Muriel, elle est passée avec Clara, sa petite fille. Bonjour Clara. Bonjour. Jeune fille, hein, t'as quel âge Clara ? 10 ans. 10 ans, alors Olivier, tu ne la vois pas parce que t'es un petit peu loin là, t'es dans le truc. Si, je la vois là, oui. Mais elle a des yeux. Ah, des non, yeux. Je vois pas les yeux. C'est bien ça, je disais. Oui. Des yeux incroyables. Tu sais, les yeux que j'ai toujours rêvé d'avoir, des yeux couleur miel. Ah oui. Magnifique. Bah, ça va, je t'ennuie ou quoi ? C'est pas possible. Alors Clara, tu voulais absolument passer ce matin ? Oui, parce que je vous écoute tout le temps et je voulais absolument venir vous voir. T'es trop, trop mignonne. Et tu vas faire quoi toi aujourd'hui après alors ? Je vais aller avec ma maman au travail et puis ma fille va venir me chercher. D'accord, ceci dit, elle peut rester déjeuner avec nous hein, si tu veux, Muriel. Non, elle va travailler avec toi. Bon, ça va, c'est que ta maman a envie de t'avoir prêt. Voilà, c'est top. Qu'est-ce ça qu'elle dit, on ne comprend rien. Ça va, je suis... ça va. C'est la reprise. Tu rigoles, toi, Clara. Oui. J'adore. Allez, venez nous rejoindre ici, nombreux au parc de 7h. On est bien. Clara, ça va pas. Venez nous rejoindre, effectivement. Et dans les prochaines minutes, on parlera cadeau. 500 euros à dépenser chez notre partenaire IKEA. On vous offrira donc ces 500 euros avant 10h, c'est clair. Il y aura 500 euros pour une personne ici qui prendra son petit déjeuner et une personne également qui est à l'écoute de la radio. Alors, on en reparle dans les prochaines minutes. Ne bougez pas. Sloan avec Après le Bip, c'est du belge, c'est sur Radio Contact, votre radio 100% belge et 200% feel good, voire même un peu plus. Le Good Morning est de retour, on est là jusqu'à 10h. Oh, mon cœur, Eddy, faudrait économiser sur la facture de gaz, hein? Ouais, faudrait. Besoin d'énergie ? Surfez sur octaplus.be et découvrez nos promotions en électricité verte et gaz naturel. Octaplus, l'unique fournisseur multi-énergie 100% belge et 100% familial. www.octaplus.be. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Maman, vite, ta carte ! Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Vous avez entre 18 et 28 ans, découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Rangez votre ongle. Bah oui, les vacances, c'est fini. Ah, bah c'est pas trop tôt. Maria et Olivier sont de retour sur Radio Contact. Te voilà parti et c'est comme ça. j'ai des frissons quand je parle de toi. Fais-moi un signe pour guider mes pas. J'attends que ça. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip. On se reverra pas. De panique. Plus le temps passe, plus je pense à toi. Tant de questions que tu n'entends pas. Je sais qu'un jour on se recroisera. Ça viendra. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip. On se reverra pas. De panique. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. T'emmènerai quelque part. On effacera nos mémoires. On se croisera par hasard. Puis je t'emmènerai quelque part. On effacera nos mémoires. Après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip. On se reverra pas. De panique. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sloan sur Radio Contact après le bip. L'infotrafic avec Aurélie. Ça va Aurélie? Alors attention, il y a du monde. Attends, t'entends pas Aurélie, le petit micro d'Aurélie. Voilà, voilà. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, c'est bon. Alors, il y a du monde vers Bruxelles depuis Jésus-Sec sur la E411, sur la E40 également venant de Gand autour de Grand Bigard, depuis Berthem sur la E40 qui vient de Liège, ensuite sur le ring de Bruxelles. Le trafic est dense à hauteur de Waterloo, ensuite entre Léonard et Tervuren, de Strombeek à Wemmel vers Grand Bigard, dans l'autre sens de Grand Bigard à Jette, de Grimbergen à Vilvoorde vers Zaventem. Toujours à Bruxelles et à Anderlecht plus précisément, c'est la fermeture du zoning qui nous est signalée. C'est jusqu'au boulevard industriel. C'est une info que vous nous avez communiquée via le 3493. J'ai trop envie. Et puis, donc il y a beaucoup d'embarras de circulation. Évitez le secteur si possible. En province de Liège, vous êtes ralenti de Barchon-en-Charade vers Lonsin. Et puis sur la E25, le trafic est dense. Elle se trouve super. Ah ouais, elle s'aime très fort. Merci Aurélie, patience, prudence et bonne route. Pour sa rentrée, le Good Morning va battre le record du plus grand petit déjeuner feel good. Ah, c'est bien parti, hein. C'est bien parti. Ah, et c'est vraiment bien parti. Alors, en matière de ralentissement, il y a un petit ralentissement ici sur l'entrée du parc de 7h. Vous êtes nombreux à faire la file pour récupérer votre bracelet pour participer à ce plus grand petit déjeuner. Justement, une question par rapport à ce plus grand petit déjeuner. Question qui va vous permettre à vous de remporter 500 € à dépenser chez notre partenaire IKEA. On leur fait un coucou. Quelle est cette question, Maria? Alors, la question, écoutez bien, c'est facile. Parce qu'on l'a dit moult fois, comme on dit. Oh, j'ai peur. Combien de petits déjeuners offrons-nous ce matin? Ah oui, on non, l'a c'est dit, facile. On l'a répété, re-répété. Donc, combien de petits déj offrons-nous ce matin grâce à IKEA aussi? Absolument. Combien de petits déjeuners offrons-nous ce matin? Vous avez la réponse. Vous allez peut-être décrocher un chèque de 500 € chez notre partenaire IKEA. Envoyez maintenant SPA et votre proposition. Si vous pensez par exemple à sais pas, 200, vous envoyez 2-0-0. Ça me semble pas beaucoup, 200. 200, c'est pas beaucoup. Hardcore, c'est pas 200. Non, 400 par exemple, non ce serait. Plus. Enfin voilà. Donc si vous avez la bonne réponse, spa, un espace, la bonne réponse au 66-91, 55 centimes par message envoyé où? Reçu. Avec vous, Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre First Service est disponible pour moins de 15 euros par mois. 14,99 € pour être exact. C'est quasi rien. Nix. Nadal. Bref, se passer de vous, Sport World, ce serait être out. Alors pour en profiter, pas de allez vite vous renseigner dans une boutique vous sur vous.be ou 0800 800 25. Si vous aimez le sport, vous devez avoir vous, Sport World. Offre soumise à condition. Investir autrement, c'est partager nos connaissances avec vous. Dans la vie, il y a des moments où il faut s'entourer d'un expert, d'un architecte pour construire sa maison, d'un médecin quand on est malade. C'est pareil en investissement. Chez Béobank, nos experts vous conseillent dans un langage clair et transparent. Ainsi, vous bénéficiez des stratégies des spécialistes sans avoir à en devenir un. C'est notre engagement numéro 2. Partager avec vous nos connaissances pour améliorer vos performances. Rendez-vous dans une agence Béobank ou sur investirautrement.be. Béobank, vous êtes bien entouré. Dans le Good Morning, ils ont de tout. Même un coiffeur pour Gary. J'ai déjà analysé un petit peu le cheveu, l'implantation, la qualité. Et il a dit, pas de souci, on va faire quelque chose de fashion. Tu vas voir, ça va bien aller. Crépi. Non, crépi, il a dit. Hein. Le cheveu crépi. Le Good Morning, c'est de 6h à 10h sur Radio Contact. Like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Christina Aguilera sur Radio Contact avec Hurt, un morceau que Maria apprécie tout particulièrement. Ça te met les frissons, c'est ça? Elle a les poils qui se dressent. En matière de poils, elle s'y connaît. L'agent Verhagen, il nous a promis d'être là ce matin et pour l'instant il est avec, avec la voiture, la sirène. Ah bah oui, il est dans la circulation là, l'agent Verhagen. Comment ça va? Oh, il a sa grosse voix du matin. Oh, Casper. Ouais, l'agent Verhagen, il a encore festoyé hier ou quoi? Ah, pas du tout, je suis hier soir, j'ai été dormir à 19h34 très précisément après avoir mangé mon petit vol au vent parce que je savais qu'il va être en pleine forme ce matin longtemps. Dites, vous avez fait quoi cet été? Vous nous avez manqué, hein? Quoi? Il n'a rien compris. Ouais. J'ai dit centre-guerre de poche, non. Ah d'accord. Il n'a pas changé. Agent Verhagen, vous serez là à 7h40, vous serez là à 7h40 avec quoi? Avec un petit débrief de l'été ou quoi? Avec MC Furieux, naturellement, donc non. Donc ce matin, bien entendu, ben, vous parliez de vacances, Olivier, ben, c'est le cas de le dire, puisqu'en effet, j'ai mis des patrouilles à vos guêtres pendant toutes les vacances, et je sais exactement ce que vous avez fait, et j'avais fait un plaisir d'informer tout ça ici en Belgique entière, naturellement. Eh ben, il est bien réveillé en tout cas, hein. À mon avis, il a passé la nuit avec JC, je sais pas. Bon, on vous dit à tout à l'heure alors. Oh. Ok, allez, dis qu'ils ont tout en l'air, les cons. Okay, allez, bonne sieste, à tout de suite. Ah, il est bien, lui. Hein. Comment est-ce qu'on dit mommy? Mommy? Est-ce qu'on dit mommy? Momai. Mommy? Hey, mommy. Hello, mommy. Ça va, mommy? Avec Aloha sur Radio Contact, ça arrive. Et puis à 7h30, c'est le Contact News avec l'autre qui est mamie. C'est Nathanaël Poli, évidemment. Easy Bizou est passé par les studios de Radio Contact. Artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Radio Contact. Gaëtan, tous les jours dès 10h sur Radio Contact. Madonna qui vient à peine d'achever son Rebel Hair Tour, qui lui a permis d'ailleurs de battre le record de l'artiste la plus rentable. Ah ben, elle a déjà des nouveaux projets dans les cartons, hein. Ouais, ça c'est certain. Après plus d'un milliard de recettes récoltées pour l'ensemble de ses tournées. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Contact. Radio Contact en télévision. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Alors, on s'est bien amusé avec sa petite pelle et son petit seau sur la plage? Et là, on se dit que c'est fini. Mais non. Maria et Olivier sont de retour sur Radio Contact. So love. Radio Contact avec Aloha, bienvenue. Parfait pour les étudiants, un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Un portable avec clavier pour les cours, une tablette avec écran tactile pour le COT. Chez Vandenborg. Contact News. À 7h30 avec Nathanaël Poli. Oui, bonjour Nathanaël. Oui, bonjour. Bonjour Olivier, Maria, bonjour à tous. On se rend tout de suite à Neder-Overhembeek en région bruxelloise pour retrouver Corentin Simon. Une explosion s'est produite cette nuit à l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique. Il s'agit bel et bien d'une attaque à la bombe. Alors Corentin, l'incendie qui a suivi est à présent sous contrôle. Et oui Nathanaël, l'incendie est maîtrisé ici. Il y a certains camions de pompiers qui sont en train de partir, mais le quartier reste pour l'instant bouclé par la police. Il y a un périmètre de sécurité qui a été installé. Il y a encore des voitures de police qui arrivent juste maintenant à l'instant. Alors je peux voir d'où je suis des véhicules de police et de pompiers qui sont toujours sur place. Il y a aussi une camionnette calcinée, sans doute celle utilisée par le ou les auteurs. Alors ce qui s'est passé, c'est que cette camionnette est passée à travers trois barrières. Une bombe a ensuite été posée de manière très localisée à côté du labo. La bombe a explosé, ce qui a entraîné un incendie qui a donc été maîtrisé. Ensuite la camionnette a été brûlée. En revanche, on ne connaît pas les motivations du ou des auteurs et on ne sait pas non plus si quelqu'un a été interpellé. Merci Corentin. Les recherches dans la Sambre reprennent ce matin avec des moyens supplémentaires. Anthony, un jeune garçon de 8 ans, est toujours introuvable. Il est tombé d'un bateau de plaisance samedi soir à l'aube. Une instruction a été ouverte pour homicide involontaire. À l'étranger, l'aéroport de Los Angeles partiellement fermé en ce moment. Des informations circulent sur une possible fusillade. Informations pour l'instant non vérifiées, mais toutes les précautions ont donc été prises. Cinquième journée du championnat de football. Charleroi est seul en tête. Anderlecht et la Gantoise n'ont pas réussi hier soir à rejoindre les Carolos. Les deux équipes se sont neutralisées 2-2. Les Buffalo ont égalisé dans les toutes dernières secondes de cette rencontre. Frustrant pour les Mauves, mais le gardien Davy Roof reconnaît que ce score est logique. Oui, c'est vrai. Je pense que Gant, ils ont fait un très bon match. On a eu très difficile pendant tout le match. Je pense que Gant, il méritait le 2-2. Oui, je dois complimenter l'équipe de Gant parce que ça fait un très bon match et on ne peut rien dire sur le match. Donc. Anderlecht qui réalise un transfert record, celui du milieu offensif roumain du Steaua Bucarest, Nicolae Stanciu, pour 9,8 millions d'euros. Côté gantois, le soulier d'or Sven Kums doit passer aujourd'hui sa visite médicale à Watford en Angleterre. Enfin, il y a du tennis aujourd'hui. Trois Belges disputent leur premier tour à l'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Elise Mertens affronte l'Espagnol Muguruza, Alison Van Uytvanck affronte la Chinoise Wang et Steve Darcy chez les hommes sera opposé à l'Australien Thompson. C'est carrément le son de l'été qu'on va s'écouter dans les prochaines minutes. Imani avec Don't Be So Shy. Et on fait le point avant cela sur la météo. Oui, et un temps nuageux aujourd'hui avec quelques averses par endroit qui vont se déplacer du nord vers le sud. Le temps sera ensuite plus sec avec quelques belles éclaircies par endroit. Les maxima oscilleront aujourd'hui entre 18 et 23 degrés. Merci beaucoup Nathanaël, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le prochain Contact News, ce sera en région à 8h et dans les prochaines minutes. Alors on commence vraiment ici à avoir beaucoup, beaucoup de monde. Dans les prochaines minutes, ce sera à 8h également. Démarrage du plus grand petit déjeuner Feel Good ici à Spa, au parc de 7h. Si vous êtes dans le coin, franchement, rejoignez-nous. Il y aura certainement une petite place pour vous. Voilà, donc venez nombreux. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. We'll be right back. J'adore ce son et je suis pas le seul à mon avis. Imani sur Radio Contact. Il représente la loi. Affirmatif. Il incarne la justice et le courage. Ça pense. Avec lui, pas de fifelouf. Ne teste pas. L'agent veut rageux. Sans le prive. Écoute, tant d'heure, ça va être vite réglé, cette histoire. Eh, oh, là-bas! Vous revoilà, Jean Verac. Ouais, parlons en même temps que moi, on est bien parti par l'année. Savoir les roll-mops, les chenons, les knulls, les sexy shoukmikis, la crème chantisme et les golden parmi les golden tiges, prima de luxe. Et si l'argent verrait. Bravo! Ça va, spasme? Ça se passe? Oui, ça va! Ça se passe, hein? Ça se passe super bien, ouais. Ça se passe super. Ça se passe, mais. Alors, ça me fait vraiment. Il aime bien sa blague. Il a bien aimé son jeu de mots. Écoute, je suis payé pour ça. C'est vraiment. C'est incroyable. Ça me fait vraiment quelque chose de réentendre vos voix. Sincèrement, le fait de savoir qu'on va à nouveau passer cette année ensemble, à partager tous ces petits matins ensemble, je sais pas, mais ça me provoque une profonde dépression. Profonde dépression. Oh! Mais j'en suis malade, tu sais. C'est bien simple, juste avant de prendre l'entente. Et j'ai vomi. J'ai vomi, là, ouais. Oh! Oui, le dégoût de vous revoir, à mon avis, c'est ça. Ça ne peut être que ça. Quelle ordure. Mais non, je blague naturellement. C'est une joie, c'est un bonheur, c'est une convivialité. Trêve de fifelou. L'équipe du Good Morning était en vacances, c'est-à-dire vous. J'ai scruté vos moindres faits et gestes. Voici mon rapport. Alors, aïe. On commence par le plus beau, naturellement, ou la plus belle. Dans ce cas-ci, je dirais plutôt le plus beau. Maria del Rio. Encore un grand cru cette année. Timbre pour stérile limité, c'est chou. Pico belle aux médailles d'or olympiques de l'Azote Trut ici. Vous êtes parti donc en Espagne, hein? Magnifique pays des fajitas, des tapas et donc de la capoeira aquatique, enfin tout ce que tu fais. Vous n'avez pas arrêté. Vous n'avez pas arrêté. En même temps, il fallait s'y attendre dans un pays où, je rappelle, la sangria coûte encore moins cher que l'eau. Hein? Ouais. C'est pas gagné d'avance. Résultat, le petit Diego m'appelle en panique un lundi à 7h du matin. Vreg, je t'en supplie, aide-nous. Maman a de nouveau coincé la tête dans l'anus d'un taureau de la corrida. J'ai dit nom de Dieu, mais enfin, comment elle a fait son compte? Et Diego me répond, mais elle voulait voir si le taureau était convivial. Ah ben voilà. Il est vraiment cool. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous en doutez, donc je me suis empressé de lui répondre que c'était pas mon problème, l'Espagne n'étant pas sous ma juridiction. OK? Olivier Arnould. Oui. On peut pas dire que vous avez la bougeotte, vous, par contre, en vacances. Hein? Vous avez vous avez passé 2 mois assis sur votre sofa, en compagnie de vos enfants. Donc, chacun l'un à côté de l'autre, et votre femme, assis droit comme des U. Des U, c'est plus compliqué, droit comme des U. Mais je vais le dire quand même. Vous étiez droit comme des U, d'ailleurs, c'était la position que vous avez adaptée. En regardant face à vous, le mur d'en face, pas une discussion, pas une télévision allumée, rien du tout. Mais rien. Couvre-feu à 17h30, tout le monde au lit. Et rebelote pendant les 2 mois. Alors je me suis renseigné, je me dis, tiens, c'est quand même étrange. Et j'ai découvert la raison. Et elle explique d'ailleurs beaucoup de choses de votre comportement, monsieur Olivier Arnaud. Oui. Avec Maria, on s'était déjà posé la question. Hein, Maria, c'est vrai, c'est étonnant, mais si tu regardes de plus près, Olivier ne cligne jamais des yeux. Vous vous dites, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Et je sais pourquoi. En réalité, ce chenon n'est autre qu'un cyborg. Une machine, un robot. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais ni content, ni joyeux. Et voilà. C'est ce que j'avais à dire. Aurélie Sautosme. Aurélie Sautosme, activité de 2 mois magnifique à Aurélie. Donc régime, tomber dans les pommes, régime. Ça, c'est un peu l'activité principale. Je suis vraiment fier de toi. Je suis très fier de toi. Tu as tenu bon. Tu n'as mangé à peine qu'une tranche de pain rassis, un verre d'eau de pluie par semaine. Tout ça pour un magnifique résultat. Et on va l'applaudir de 1,3 kg. Merci. Bravo. 1,3 kg, je le rappelle. Continue comme ça. Plus que 10 ans et on est bon. bonjour. Alors, Gary, lui, il s'est pas ennuyé. Oh, yeah, yeah, yeah. Et comme vous le savez, donc le pauvre Gary n'a pas vu une paire de fesses depuis l'invention de l'eau chaude. Alors cet été, il s'est dit non, Dieu, c'est... allez, faut y aller. Il a tout essayé, hein, Gary, on est d'accord. Ouais, c'est vrai. Tinder, club de célibataires endurcis, club échangiste, rien n'y fait. des soirées entières dans des clubs échangistes sans rien. C'est déprimant. Donc, il s'est donc tout naturellement rabattu vers les merveilles et sculpturales femmes du troisième âge. Hein. Et là, il n'a pas été avec le dos de la cuillère, si je puis dire. Hein. Oh, mon Dieu, il a rattrapé le temps perdu ce chemin. Plus de 440 conquêtes. On l'appelle dorénavant le Don Juan des vieilles patches. Le Seria au nom Mikil. Le petit filou gironton philisme. Comme tu le veux, le mot, c'est pas mon problème. Mais Janine, naturellement, reste sa préférée. Janine. C'est elle qui l'a dépucelé, naturellement, Janine. 84 ans. Un corps de rêve, Marie, un corps de rêve. Enfin, tu rêves surtout qu'elle a un autre corps, mais voilà. Les têtes au niveau des chevilles. Et je le rappelle... En 40-45, elle s'est tout de même tapé tout le régiment allemand de la Panzerdivision. Plus de 5000 Allemands en manquent. Donc j'en ai dans de l'expérience. Elle a pas peur du combat, si je puis dire. Hein, bien joué, les guerres, Pique-Belle. Ça avance. Oh, voilà, tu me fais rire. Allez, rien d'autre à ajouter. Emballé, c'est pesé. Je prends la poudre d'escampi, je me case. Peut-être purée, béarnaise, crème, glace, calipo, citron pour tout le monde. Arnold, embrasse ta petite caricole bionique de cyborg de ma part. Pablo Andrés et l'agent de Rugel. Retrouve-le sur la page Facebook du Good Morning. Sans l'en prive. Il coupe ton heure, ça va être vite réglé cette histoire. Oh là là. Oh purée, il m'a fait rire là. Ah bon ça. Chris Cap arrive. C'est tout de suite avec Badabing sur Radio Compact, on est en direct jusqu'à 10h. C'est le plus grand petit déjeuner, il est 100% feel good. Il est là pour vous et on est de retour, tout va bien. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon. You know that girl really turned me on. Kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a man dashing. Hey now. She was done. She kissing on me. She laid her head on the sofa bed. So and you know what happened then? We were on the floor and so much more. Kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't recall one thing. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning, had to make a man dashing. Hey now. Scab sur Radio Contact avec Badabing. Rejoignez-nous si vous êtes dans le coin. Il reste quelques places pour participer avec nous ici au plus grand petit déjeuner Feel Good. Si vous êtes du côté de Spa, rejoignez-nous au parc de 7h. Je peux y aller ? Vas-y, Gary. L'info trafic. Avec Aurélie, bien concentrée. Bonjour Aurélie. Bonjour, il y a un accident sur la 40 à Cherat, c'est en province de Liège. Il y a une voie entravée, c'est la voie centrale vers Lonsin. Vous pouvez donc emprunter les autres voies au kilomètre 99.5, celle de droite et de gauche, donc, hein, parce que si c'est celle du milieu qui est entravée, les autres sont disponibles. Ça ne va pas, hein, ben oui. Ouais, c'est chouette. Comptez 15 minutes de plus après Herve. Oui. Plus loin, vers Bruxelles, le trafic est en accordéon entre Berthem et Woluwe-Saint-Etienne. La circulation est ralentie aussi depuis Overhaye sur la E411, depuis Zemst sur la E19. Sur le ring de Bruxelles, il y a des files de Waterloo à Groenendaal, de Léonard à Tervuren, de Grimbergen à Wemel vers Halle, de Grand-Bigard à Jette, de Wemel à Vilvoorde vers Zaventem. Et puis, ça ne s'arrange pas à Anderlecht sur le boulevard Papsem, c'est comme ça qu'on dit, et la digue du canal. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Aurélie. À demain. Bah, si on se prélance, c'est bonne route. Ah, c'est bien ça. Mi amor. Souffle. Mi amor. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il fait, Gary? Il souffle. Ce matin, le Good Morning sort sa plus grande nappe pour le plus grand petit déjeuner Feel Good. Absolument, en collaboration avec Ikea, on a mis les petits plats dans les grands. Ils ont super bien bossé, nos amis d'Ikea, et franchement, la table, elle est juste magnifique. Alors, on va se la péter un petit peu, mais faut le dire, on n'est pas peu fiers du résultat. Franchement, c'est impressionnant. Une table de 127 mètres de long, et non pas carré, parce que sinon, ce serait beaucoup trop. Mais 127 mètres de long, sérieusement, plein de petits déjeuners, 500 petits déjeuners que nous offrons ce matin. Absolument, ça va démarrer à 8h précises. Il y aura 3 surprises, on en reparlera tout à l'heure. Alors là, ils ont installé, donc la table a été préparée hier, ils avaient recouvert toute la table pour éviter la rosée matin, etc. Ouais. Et là, ils ont installé des grands vases comme ça en verre avec tous les petits pains, les viennoiseries, tout ça à l'intérieur. C'est une magnifique idée. Oh, c'est génial. Il y a déjà des céréales qui sont dans des gros pots, etc. Ça va être sublime, ça va être succulent. On va passer un très bon moment et si vous êtes dans le coin, rejoignez-nous, d'autant plus qu'il y a un très beau cadeau à gagner. Il y a un très beau cadeau. Nous vous offrons 500 euros que vous pourrez dépenser, vous faire plaisir chez Ikea. Et donc, il faut répondre à une question. J'ai donné la réponse il n'y a pas longtemps. Hein. Absolument. Donc, combien de petits déjeuners nous offrons ce matin? Ouais, combien de petits déjeuners à votre disposition ce matin? Si vous connaissez la réponse, vous l'envoyez au 66-91. Spa et la réponse, 66-91, 55 centimes par message envoyé ou reçu. On repart en musique sur Radio Contact avec, comme promis, Souf et Mi Amor. Avant de retrouver l'horoscope de Patricia Milis, c'est Radio Contact, c'est la rentrée, on est très heureux d'être là. C'est le Good Morning en direct depuis Spa, le parc de 7h, rejoignez-nous. Dis-moi comment faire, pourquoi tu peux pardonner tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie. Tu as le plus beau des charmes. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor. J'avais juré fidélité. Bohème, ma grande avait raison. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. Je t'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Moi je t'en prie, tu as le plus beau des charmes. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor.

First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Cause you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Oh, baby, yeah. When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Le Good Morning sur Radio Contact jusqu'à 10h en direct depuis le parc de 7h à Spa. Le plus grand petit déjeuner Feel Good va démarrer dans les prochaines minutes. Il reste quelques places, quelques personnes qui n'étaient pas dispo ce matin, qui ne sont pas présentées. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans les parages, et puis pour vous ici qui êtes devant nous, si vous avez de la famille, des amis, des collègues, voilà, si vous bossez dans une société, vous avez envie d'inviter vos collègues à nous rejoindre, n'hésitez pas, le plus grand petit déjeuner Feel Good, c'est le vôtre. Il faut qu'on soit un maximum, évidemment, pour profiter de ce beau moment. Dans les prochaines minutes, sur Radio Contact, encore pas mal de choses, et puis notamment le cadeau qu'on vous offre à vous ici, et puis à vous qui êtes à l'écoute de la radio, 500 euros chez notre partenaire IKEA, ça va être vachement sympa. Un peu de musique sympa aussi, ça. Adèle avec Send My Love to Your Not a New Lover. On va enchaîner avec la météo si vous voulez. Il y a du verglas ou quoi? Même pas aujourd'hui, et à peine de la pluie. On va avoir des éclaircies aujourd'hui, partiellement nuageux, un vent faible et des températures qui iront jusqu'à 18 degrés. Le Good Morning, c'est tous les matins sur Radio Contact. Radio Contact. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. Told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Estelle. Et comme c'est magique, quand c'est Maria qui donne le titre, c'est Maria qui va donner le titre. Send my love to your new lover. Ouais. Ce matin. Thank you. Maria et Olivier sont à Spa. C'est facile de se moquer, monsieur, c'est facile. Rejoignez-nous, on est à Spa au parc de 7h si vous avez des amis, des collègues, des collègues, des amis, des voisins par exemple qui ont envie de venir prendre le petit déjeuner ici. N'hésitez pas, rejoignez-nous, il reste encore quelques places. Le petit déjeuner Feel Good qui va démarrer dans les prochaines minutes avec nos amis d'IKEA qui, il faut le signaler, oui. C'est pas, tu vois, parce qu'on dit ah oui c'est leur sponsor, c'est IKEA, tu ouais, vois, ouais, ouais, ils ouais. ont mis les petits plats dans les grands ah, IKEA. Oui, mais franchement, clairement. Ça a été un bonheur de bosser avec eux parce qu'ils ont vraiment ce sens du détail, de faire les choses bien pour que les gens soient bien, et franchement il faut le saluer parce que c'était vraiment chouette de faire cette action avec IKEA. Alors, à propos d'IKEA, justement, il y a déjà des beaux cadeaux pour toutes les personnes qui participeront au petit déjeuner, puisque à table, tout ce que vous voyez sur la table, oui, vous allez pouvoir l'emporter. Exactement, ça c'est le cadeau que vous fait entre autres IKEA, c'est que voilà, toute la vaisselle qui est, bah, elle sera à votre disposition, c'est-à-dire vous prenez votre petit déj et puis vous repartez avec le matos. Et comme vous êtes venu à deux, vous aurez un set pour deux personnes, ça va être vachement bien, avec le bol, la tasse, vous repartez avec le sac, le plaid pour votre petite soirée, comme disait Maria tout à l'heure, petite soirée télé. Hein, tout, oui, ça fait du bien. Avec le petit plaid. Et ouais. Tout ça, ce sera pour vous, donc rejoignez-nous, parc de 7h ici à Spa pour le plus grand petit déjeuner qui va démarrer dans les prochaines minutes. On tient à signaler également que au niveau du gaspillage, tout ça, c'était important tant pour Radio Contact que pour IKEA, qui n'en est pas, évidemment. Non, parce qu'Aurélie est là. Oui, alors, déjà, on a amené Aurélie, donc tout ce qui est nourriture, évidemment, il n'y aura pas de gaspillage. Et puis pour tout le reste, il y a une association qui s'appelle La Chouette Boutique, qui travaille au profit du CPAS ici à Spa, qui pourra récupérer tout le matériel qui ne sera pas utilisé et qui pourra donc servir à ceux qui en ont vraiment besoin. Et donc, voilà. C'est une belle action du début jusqu'à la fin. Venez en profiter, venez nous rejoindre ici à Spa, parc de 7h. On vous accueille avec grand plaisir et on prendra le petit déjeuner avec vous. Celui qui arrive dans les prochaines minutes, c'est JC. Ah, JC. Et dans la suite, Delta avec Héréditaire. Belle journée tout le monde, bonne reprise. Je pensais que t'allais dire, ah, Delta. Pourquoi? Parce que, ah, JC. C'est pas grave. T'es drôle. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa, je peux prendre ta carte? Mais dans tes rêves, ma chérie. Vous avez entre 18 et 28 ans, découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ben oui, déchaînez-vous. On n'a peut-être pas gagné l'euro, mais le Good Morning est toujours là. Et ça, ça mérite une hola. Maria et Olivier sont de retour dans le Good Morning sur Radio Contact. Tu te méfies de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Parce qu'on est tous un peu pareils. On se ressemble. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Qu'il soit celui qu'on chuchote ou celui que l'on crie, que ce soit son nom qu'il le porte ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame, de ce qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme. qu'il s'éteigne seul dans le noir. On est tous un peu pareils, ensemble, à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. Parce qu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils. On se ressemble à plus de choses pareilles. C'est plus facile de pointer les doigts. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. C'est du belge, ils sont excellents. Delta sur Radio Contact et Héréditaire. L'infotrafic. Avec Aurélie, un accident vient de se produire sur le ring intérieur de Bruxelles. C'est à hauteur de Zelig vers Vilvoorde. Une voie est fermée, ce qui engendre des files depuis Grand-Billard. Plus loin, il y a des files de Wemmel à Vilvoorde vers Zaventem. Dans l'autre sens, il n'y a pas de bouchon, mais le trafic est dense de Waterloo à Tervuren, c'est vers Zaventem. Pour rejoindre Bruxelles, vous êtes ralenti depuis Overijse sur la E411, depuis Berthem sur la E40, depuis Zemst sur la E19. Et puis bon à savoir, ça circule bien ce matin sur la E429 qui vient de Tournai. Il n'y a pas de file entre Limbeek et Halle. À Charleroi, par contre, le trafic se fait au pas sur le R3, le Grand Ring. La perte de temps est estimée à une vingtaine de minutes de Marcinelle à Châtelet vers Épinay. Quelques files aussi entre Chapelle-Lerlémont et Gouy-les-Piétons. Et puis, il faut prendre votre mal en patience sur la N25 Genappe à Bouzeval. C'est vers Cours-Saint-Etienne. Merci Aurélie. Soyez patients, prudents, bonne route. Ken Jones dans la suite. Avec Don't Mind. Allô? Et direction tout de suite le centre des appels. Mon standard, c'est le meilleur. Oui. Et depuis le centre des appels du Good Morning. Oui, c'est l'émission. C'est l'émission zéro. Hein. Voilà. Elle n'est pas diffusée celle-là. Hein. Non. Allô. Oui, ça va. On était au cinéma tous les deux, c'était chouette. Passe-moi le pop-corn. Ici, depuis le centre. Ici JC depuis le champ des appels du cul de Molinaine. Oui. Allô Spa. Oui, on est là. Non, juste pour vous dire que comme la Formule 1 était à Spa hier, oui. Alors plusieurs patrons d'écurie ont vu Marie arriver en voiture et voudraient l'engager. Ah, allô. Ici JC depuis le champ des appels, à vous Marie Hamilton. Le Good Morning en direct depuis Spa, le parc de 7h avec le plus grand petit déjeuner feel good qui est sur le point de démarrer. On me signale que c'est quasi prêt là sur les tables, tout est installé. Rejoignez-nous, il n'est pas trop tard si vous êtes dans le coin ici et si vous êtes invité et que vous voulez inviter vos amis, vos collègues, votre famille, vos voisins, qui vous voulez, appelez-les. Ils peuvent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. L'occasion de partager ce petit déjeuner ensemble, de nous rencontrer, de faire des petites photos. Il y a même la police qui est venue nous faire un petit coucou. Ça va la police? Bonjour la police. Ils sont pas mal hein, les policiers. Les policières à Spa. Ben quoi, on peut dire ce qui est, non? Ah oui, mais comme tu veux. Eh ben, je dis. Voilà. Et donc, venez nous rejoindre. Nous sommes ici, parc de 7h. Il fait doux, il fait bon vivre. Un petit déjeuner servi à table pour 500 d'entre vous. Le Good Morning sur Radio Contact en direct. C'est le retour aujourd'hui. On est là jusqu'à 10h. Investir autrement, c'est d'abord investir du temps. Dans la vie, tout va vite. Se lever, s'habiller, partir travailler, vite faire à manger. En investissement, c'est tout le contraire. Chez Béobank, nous aimons prendre le temps. Le temps de bien vous connaître pour mieux vous conseiller. Qui êtes-vous? Quels sont vos rêves? À quel horizon? C'est notre premier engagement. Vous consacrez plus de temps pour optimiser nos conseils. Alors rendez-vous dans une agence Béobank ou sur investirautrement.be.

16h-20h sur Radio Contact. C'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. Parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h-20h sur Radio Contact. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Télénet, canal 12. Ça, c'est Radio Contact. Feel good. Likes everyone, and I never liked to hold it on to something. If you go and love it, this is Radio Contact. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Alessia Cara est passée par les studios de Radio Contact. Since my friends are here, I just came to kick it. Really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, so don't ask. I don't need a boyfriend, so you can go back. Please enjoy your party, I'll be here. Somewhere in the corner, under clouds of marijuana, with this boy who's hollering, I can hardly hear. Over this music I don't listen to, and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Oh, here. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact is my radio. C'est Radio Contact. Feel good. Ça y est, c'est la rentrée. Marie et Olivier sont de retour. Allez, go. Le Good Morning, c'est sur Radio Contact. Radio Contact. Take me for a ride, I made up my mind, like you. Used to be so kind, you forgot that time, didn't you? No, you can't deny, this is the last time, fight against you. No, you can't deny, this is the last fight against you. And music all around, the theater's on the ground, I'm ready for the show. That night, climbing up the sky and dancing on. For the show, take me for a ride, I made up my mind, let can't deny, this is the last time I fight against you. No, you can't deny, this is the last fight, fight against you. And music all around, the theater's on the ground. I'm ready for the show, show, show. If you saw me that night, climbing up the sky and dancing on. Ready for the show, show, show. The magic of the night, dancing till the light. Oh, come on, come on, come on. I'm falling for you now. Theater's on the ground. I'm ready for the show, show, show. If you saw me that night, climbing up the sky and dancing. Alice on the Roof sur Radio Contact et Lucky You. Parfait pour toute la famille. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Quand c'est nouveau et c'est bien pensé, c'est chez Vandenborg. Vandenborg. Contact News. À 8h30 avec Nathanaël Poli. Bonjour Nathanaël. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Pas de victimes, mais des dégâts importants. Une bombe a explosé cette nuit à l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique à Neder-Overhembeek à Bruxelles. Corentin Simon, vous êtes sur place. Corentin, on en sait un peu plus sur le déroulement des faits. Et oui, une camionnette a donc forcé trois barrières. Une bombe a ensuite été installée à côté du laboratoire. C'est un centre scientifique. C'est par exemple à cet endroit que les enquêteurs analysent les empreintes digitales des suspects. Ce bâtiment a donc été visé, il a été touché, des vitres ont explosé et un incendie a fait des dégâts matériels. Il n'y avait heureusement en revanche personne sur le site à cette heure-là, donc pas de victimes. Un périmètre de sécurité est toujours installé par la police, aucune voiture ne peut passer. Seuls des travailleurs de l'Institut de Criminologie peuvent passer à pied, mais ils ont reçu l'ordre de ne pas faire de commentaires. Il y a beaucoup d'autres entreprises ici dans ce zoning industriel. D'autres travailleurs ne peuvent donc pas passer, ils sont bloqués à l'extérieur du périmètre. Je peux apercevoir d'ici une camionnette calcinée, sans doute celle utilisée par le ou les auteurs. On ne connaît pas encore leur motivation. Il y a aussi la police scientifique qui est sur place. Merci Corentin. C'est une bonne nouvelle pour des milliers d'automobilistes. Le tunnel Stéphanie à Bruxelles est à nouveau accessible depuis cette nuit après 7 mois de fermeture. Les travaux de rénovation sont terminés. Tout rentre dans l'ordre à Los Angeles aux États-Unis. Une partie de l'aéroport a été fermée à cause d'une possible fusillade. Finalement, c'était une fausse alerte. Un homme en costume de Zorro a néanmoins été arrêté. Journée historique en Colombie. Le premier cessez-le-feu entre la guérilla des FARC et le gouvernement entre en vigueur. Un cessez-le-feu bilatéral et définitif qui doit mettre fin à 52 ans de conflit armé. Un match nul qui sauve pour l'instant la tête de l'entraîneur Yannick Ferreira. Le Standard est allé prendre un point sur le terrain du club de Bruges hier 2-2 lors de la 5e journée du championnat de football. Les Liégeois menaient au score mais ont été rejoints dans les arrêts de jeu. Décevant pour le milieu de terrain Mathieu Dossévi, une victoire aurait fait beaucoup de bien. On a plus de pression sur le plan comptable parce qu'on a envie d'accrocher le bon wagon, on n'a pas envie d'être décroché. Donc voilà, c'est surtout pour ça qu'on avait un peu plus, je pense, de pression. On sait que pour l'instant, le classement, c'est toujours anecdotique à cette période du championnat, mais c'est important pour la confiance d'être tout de suite dans le bon wagon. Donc voilà, après, au Standard, il y a toujours de la pression quand même. A noter que le club de Bruges a présenté ses excuses pour une banderole déployée par certains supporters, banderole qui insultait les supporters du Standard et la ville de Liège. Au classement, le match nul entre Anderlecht et la Gantoise hier soir et la victoire de Genk contre Zulte Waregem, eh bien ces deux résultats permettent à Charleroi d'être seul en tête avec 11 points. Les Diables Rouges, eux, se retrouvent en vue du match amical contre l'Espagne mercredi, jeudi et le déplacement à Chypre ensuite. Première rencontre de qualification pour la Coupe du Monde. Il s'entraîne à 17h à Nerped pour la première fois sous les ordres de Roberto Martinez. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un poncho de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. 8h passées de 33 minutes, on fait le point sur la météo, Nathanaël. Oui, et un ciel nuageux aujourd'hui avec quelques averses possibles par endroit. Des averses qui se déplaceront du nord vers le sud-est du pays. Le temps sera ensuite plus sec avec quelques belles éclaircies. Les maxima oscilleront aujourd'hui entre 18 et 23 degrés. Retour d'un temps sec et de belles périodes de soleil demain. Merci Nathanaël. Prochain Contact News, ce sera à 9h30 sur Radio Contact. Alors plusieurs choses à vous signaler, notamment qu'on est en live sur Facebook. Maria est en live sur Facebook en ce moment. Elle est juste à côté de la table. Les gens sont en train de prendre leur petit déjeuner. C'est très très très impressionnant. On passe un moment vraiment 100% feel good ici à Spa. Il y a vraiment un bon esprit. L'endroit est magnifique. La table est superbement décorée par nos amis d'IKEA qui ont fait vraiment un travail excellentissime. Et franchement, si vous êtes dans le coin, il reste quelques places. Rejoignez-nous dans les prochaines minutes. On parlera cadeau. Cadeau qu'on vous offre à vous qui êtes à l'écoute, cadeau qu'on offre ici à nos amis qui prennent le petit déjeuner. Et puis il y aura la première surprise, une surprise aux accents suédois évidemment. Ce sera dans les prochaines minutes aux alentours de 9h. Show me a love. Fessy Vans sur Radio Contact en souvenir, c'était Love Like This. Pour sa rentrée, le Good Morning vous offre 500 petits déjeuners. Ça, Maria, tu passes un bon moment ? Écoute, les petits pains au chocolat, et puis je suis très très bien accompagnée ici des forces de l'ordre de. J'ai l'impression de que t'as complètement craqué ou quoi ? Mais quoi ? Mais ils sont super bronzés. Qu'est-ce qui leur arrive à ce pas ? Ça, je suis pour rien. Qu'est-ce qui leur arrive ? Il a fait beau ici aussi. Ils prennent le soleil ou quoi ? Bonjour la police ! La police, vachement sympa également. Sincèrement, venez nous rejoindre. On passe. Enfin, il reste ceci dit plus beaucoup de place, mais venez quand même. Il en reste malgré tout et on passe un magnifique moment de convivialité. C'est vraiment absolument. Le mot. Quel meilleur moyen que de démarrer la saison comme ça avec les auditeurs, avec vous là et 500 personnes qui prennent un petit déjeuner brillamment préparé par nos amis d'IKEA. Franchement, c'est génial quoi. Et en plus, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, vous le savez. En plus du petit déjeuner, on vous offre, IKEA vous offre 500 euros que vous pourrez aller dépenser là-bas, vous faire plaisir. Je sais pas si t'as la même chose que moi. Parfois, tu vas, tu te dis, ah, tiens, j'irai bien chez IKEA pour chercher quoi, quelques petites assiettes ou des broutilles. Et puis, tu repars avec le fameux grand sac bleu. Mais ou oui, jaune, oui, évidemment. Parce que tu te dis, oh, mais ça, c'est bien aussi. Oh, ça, c'est génial. Ah, ça, c'est top. Et des petites serviettes et des petits trucs. Alors, ce qui est sympa, moi, j'ai expérimenté ça, c'est de pas aller toujours dans le même. Tu vois, quand tu vas dans d'autres, du coup, tu marches de manière différente dans le magasin, tu découvres d'autres trucs. Ah oui, moi, tu ça me perturbe. Par ah non, mais ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et alors, ce que j'aime bien chez IKEA aussi, ce qui est. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, c'est les flèches, quoi. Les flèches. Ah oui, toi, t'aimes bien. J'adore. Ça te rassure. J'adore. Ça me rassure. Je te jure. Aurélie aussi, elle suit les flèches. Restaurant. Non, mais j'adore les flèches. Récemment, j'ai été visiter un parc zoologique en Espagne. Il y avait des flèches aussi pour la visite. J'adore. Ça me rassure et je suis les petites flèches. Et au moins, tu te dis, au moins, je ne rate rien. Je sais partout suite où aller. Suite de la visite. Voilà. La suite du programme, tout à l'heure, ce sera des surprises, notamment la surprise suédoise, ce sera à 9h. À 9h. N'oubliez pas, donc, si vous voulez remporter ces 500 euros, il faut répondre à cette question. Combien de petits déjeuners offrons-nous ce matin ? On l'a dit, on l'a assez répété. Combien de petits déj offrons-nous ce matin en collaboration avec IKEA ? Vous envoyez votre réponse, vous envoyez SPA et puis la bonne réponse. Par SMS 66 91 55 centimes par message envoyé ou reçu. Un peu de musique dans la suite, ce sera avec Amir et J'ai cherché. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer. J'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes là, qui dans mes là, dans mes bras. I'll be looking for you. Like the melody. quand on n'y croit plus du tout, qu'on trouve un paradis perdu en nous. Amir sur Radio Contact et j'ai cherché l'infotrafic. Et elle a trouvé, c'est Aurélie. Je vous rappelle qu'il y a un accident sur le ring intérieur de Bruxelles. C'est à hauteur de Zelig vers Vilvoorde. Une voie est fermée, ça engendre des files depuis Grand Bigard. Plus loin, il y a des files de Wemmel à Vilvoorde vers Zaventem. Dans l'autre sens, pas de bouchon, mais un trafic dense de Waterloo à Tervuren, c'est vers Zaventem. Pour rejoindre Bruxelles, vous êtes ralenti depuis Overest sur la E411, depuis Asrode sur la E40 en venant de Liège, depuis Affligem en venant de Gand, depuis Zemst sur la E19. Par contre, ça circule bien ce matin sur la E429 qui vient de Tournai. Il n'y a pas de fil entre Lembeek et Halle. Et puis à Charleroi, le trafic se fait au pas sur le R3, le Grand Ring. La perte de temps est estimée à une vingtaine de minutes de Marcinelle à Châtelet vers Épinay. Quelques fils dans l'autre sens entre Chapelle-lès-Hers-Lémont et Gouy-les-Piétons. Et puis il faut prendre votre mal en patience sur la N25 Genappe-Bouzeval, c'est vers Cours-Saint-Étienne. Merci Aurélie. Soyez patients, prudents, bonne route. Pas sur Radio Contact avec Harder Than Hell. Moi, je voudrais un petit peu prendre des nouvelles de notre Gary aussi. C'est comment vrai, est-ce qu'il va, Gary ? Mais il va super bien. Comment va-t-il ? Allô ? Et raconte un peu tes vacances, Gary. On n'a pas eu l'occasion vraiment de s'échanger, ça, tu vois ? Ah ben génial. Ben voilà, j'ai bossé tout l'été. J'ai bossé et puis j'ai mon appartement aussi. Oh, et c'est vrai. Ouais. Attends, ça fait trois semaines. Ah ouais, attends, parce que nouvelle vie pour Gary, qui non seulement a des lunettes et donc voit le monde. C'est vrai, c'est sous vrai. Sous un autre jour, quelque part. Absolument. Bah, et donc, il voit le monde tout court, d'ailleurs. Oui, voilà, il découvre le monde. Et salut. Salut. Oui, parce que n'oublions pas, les gens passent devant le truc, ça fait plaisir. Et donc, en plus, tu habites seul depuis trois semaines. Et ça se passe bien. Et alors, samedi soir, nous avons été manger chez toi, Olivier, et tout. Oui, et, c'était sympa. Très très bon, des bonnes tagines. C'est gentil. Et, ce qui était très sympa, c'est que donc Gary nous dit ouais, là, ça fait trois semaines que j'habite là, et je me dis que voilà, maintenant il va être temps que je passe un petit coup, quoi, que je nettoie un coup. Ok, donc ça fait trois semaines que tu habites chez toi et que tu n'as pas encore passé l'aspirateur. Ouais, ben bon voilà, c'est que trois semaines, quoi. Bah ça va encore, franchement. Et là-dessus, il a dit ceci dit, je vous inviterai bien manger. Et là, tout d'un coup, on s'est tous mobilisés. On a dit, mais tu sais quoi, ne fais rien, on apportera chacun un truc. On apporte, pas de soucis, on apporte. Allez, c'est pas gentil. Non, j'insiste. Première fois, vaut mieux qu'on apporte des trucs, auberge espagnole. Mais oui, évidemment. C'est dégueulasse. Ah non, mais donc voilà, tu vis seul et tout va bien. Franchement, tout se passe bien. Voilà. Allez, c'est fini. Génial, merci pour l'intervention en tout cas, Gary. Merci. On va prendre la température du côté du petit déjeuner. Il y aura un gagnant également, 500 euros dans les prochaines minutes. Ça arrive. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? You're my matter from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make you neon, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven. I'll give it to you harder than hell. Harder than hell. Radio Contact avec Aurélie. Un heure d'Anel. Ouais. Pour sa rentrée, le Good Morning va battre le record du plus grand petit déjeuner feel good. Record battu, puisque vous êtes 500 ce matin à prendre le petit déjeuner avec nous, avec IKEA. Une fois de plus, qui a rempli sa mission, sincèrement, une table de 127 mètres dressée par leurs bons soins. C'est magnifique, c'est super joli, c'est original. En plus, tous ceux qui sont présents ici pourront repartir avec la vaisselle. Et on, parmi le petit déjeuner, on a promis trois surprises. Et la première surprise, Olivier vient de l'annoncer aux 500 personnes présentes. Comment est-ce qu'on appellerait ça le chef de salle. Oui, hein, le maître, ouais. Le maître, voilà. Le maître d'hôtel. Le maître d'orchestre d'hôtel. Voilà, merci Aurélie. Enfin, une bonne équipe, hein, toi. Ah, hyper efficace. A proposé ce matin des saveurs suédoises. Alors, que propose-t-il dans ces saveurs suédoises? Il y a, Aurélie, du hareng, du saumon fumé. Bon, et de l'œuf farci. À fond. Attends, mais tu déconnes, mais c'est super, ouais, bon. Ça a l'air super bon. Et nous, on est un peu punis quand même, hein, ici. Tu rigoles ou quoi? Moi, je fais des allers-retours, hein, vers la table. Hein. Ah oui, non. Parce qu'en plus de ces saveurs suédoises et très originales, il y a donc des grandes vasques remplies de petits pains, de pain au chocolat, de pain confiture, enfin la totale, avec du jambon, du fromage. Il y a de tout pour vous faire plaisir. Aurélie oui. Aurélie oui. Tu y vas ou quoi? Oui. Venez nous rejoindre. On est ici, à Spa, avec vous ce matin pour la rentrée. On est au Parc des 7 heures. À tout de suite. Et là, c'est Patricia Milis. Patricia Milis avec l'horoscope qui est en forme aussi pour la rentrée. Bonjour Patricia. Bonjour tout le monde. Bélier, Uranus évolue librement dans votre signe. Vous vous sentez léger et rempli de nouvelles résolutions. Taureau, les critiques émises par le secteur amical ne vous plaisent guère. Vous n'êtes pas prêt à vous laisser faire. Gémeaux, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde que votre conjoint, mais vous faites des efforts pour repartir du bon pied à deux. Cancer, en recherche d'un nouveau logement, vous trouverez rapidement, vous avez du flair pour les bons plans. Lion, la prudence est recommandée du côté des dépenses, n'y allez pas trop fort pour la rentrée quand même. Vierge, ne pensez pas que tout est acquis, certaines situations se méritent, il est grand temps d'y penser. Balance, vos intuitions ne vous trompent pas, une situation agréable se dessine doucement dans votre vie. Scorpion, il y a des situations que vous ne pouvez tolérer, vous qui prenez la justice, vous mettrez les pieds dans le plat. Sagittaire, entre les démarches, contacts, les rendez-vous, vous n'aurez pas une minute à vous. La journée s'annonce très active. Capricorne, les négociations financières liées aux professionnels ont toutes les chances d'aboutir. N'attendez plus. Verseau, besoin d'un prêt ou d'un soutien financier, vous l'obtiendrez après le dépôt d'un dossier en béton. Poisson, ne divulguez pas tout ce que vous faites, surtout s'il s'agit de transactions financières. On ne sait jamais. Excellent lundi à tous. Merci Patricia.

mets sur les bords du lac. Ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Mais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent. Julien Doré sur Radio Contact avec le lac. Merci de nous rejoindre. C'est la rentrée, la première de la saison du Good Morning. Il est 9h. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Ce matin, Maria et Olivier sont à Spa. Tout à l'heure, Olivier, tu as raté un speak d'anthologie. Hein, ah oui, j'étais en train de lancer la première surprise là. Oui, parmi les gens ouais, présents. Absolument. Et pendant ce temps, nous nous adressions aux auditeurs qui sont chez eux ou dans leur voiture, Aurélie et moi. Ah. Et ben, c'était pas. On peut être fiers de nous, Aurélie. Oui. C'était original. C'était un speak original. Ouais. Et inspiré surtout. Voilà. Et on parlait de cette première surprise. Ah. Donc les saveurs suédoises. Qu'on vient de recevoir ici en studio. Alors dans cette assiette, il y a du saumon fumé, un œuf farci et du hareng. Alors, qui teste quoi? Moi, je veux bien le hareng. On ne mange que trop peu. Et puis, c'est bon, plein d'oméga 3. Alors, c'est super bon. C'est très bon. Hein. C'est très bon. Je vais goûter le saumon. Un petit saumon. Moi, je ne peux pas aller chez Ikea en général sans ressortir avec un petit morceau de. Tu vois, une plaque de saumon, là, comme ça. Sérieux? Très bon. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et alors, comment s'appellent les desserts? Il est facile à monter, le saumon, ou pas? Oh, les je trucs sais au chocolat caramel. Oui, truc chocolat caramel délicieux. Oui, c'est ça, voilà. Ah ouais. Oh, ça, je prends aussi, toujours délicieux. Alors, le saumon. Ce qui est magnifique avec le hareng, c'est que ça te fait une haleine de feu. Ah oui, des petites épices sur le bord, c'est délicieux. Des herbes, c'est de l'aneth. Voilà. Fait bavé. Oui, bah oui, Gary, qu'est-ce que tu veux? Voilà. On va appeler le premier gagnant, à savoir le gagnant antenne. Donc, le gagnant qui a joué en écoutant Radio Contact. On aura un autre gagnant tout à l'heure pour 500€ chez IKEA parmi les personnes qui sont ici. Eh bien, on appelle en direct. Il fallait répondre à cette question. Combien de petits déjeuners offrons-nous ce matin? Encore un petit bout de. Non, merci. D'accord. C'est gentil. Allô? Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Bonjour, Maria. Oh, mais bonjour, mais comment t'appelles-tu? Christophe. Salut Christophe, bienvenue dans le Good Morning. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, et puis surtout t'as participé, donc t'as bien répondu apparemment à cette question. Combien de petits déjeuners offrons-nous ce matin? La réponse était 500. Yes! Bravo! Yes! C'est gagné! Merci! Bravo! 500€ chez IKEA. Et franchement, à vous, c'est bonheur, hein. Surtout que, connaissant les prix d'IKEA, avec 500€, tu repars, mais avec une montagne de trucs, quoi. Ah, c'est sûr. Et avec 5 enfants à la maison, et d'avancer. Oh, mais c'est chouette! Alors, quelle est la première chose qui te vient à l'idée? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à IKEA? Des bureaux, une bibliothèque. Ouais. Clairement, quoi, t'y es. Eh bien, écoute, on est ravis de t'avoir fait plaisir, en tout cas. Tu penseras à nous quand tu iras faire tes petites courses à IKEA avec tes 5 enfants, ça va? Ah, c'est certain. Et en plus, ils vous écoutent tous les matins, quand on va à l'école, évidemment. Allez, fais-nous connaître tous les prénoms. Alors, Amandine, Romain, Manon, Maëlle et Maxence. Eh bien voilà, on les embrasse super fort et on est ravis de les accompagner tous les matins. On t'embrasse très fort, Christophe. Bisous. Salut Christophe. Oui. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On repart en musique sur Radio Contact avec Sia et Sean Paul. Chef Thrills. Ouais, la météo à 9h passé de 4 minutes. Qu'est-ce que ça raconte pour aujourd'hui? Ça raconte qu'aujourd'hui, il y aura quelques éclaircies. Oh. Je voudrais que personne ne fasse de commentaires sur ceci. Non. Quelques éclaircies, un petit peu nuageux, des températures qui se rafraîchissent, mais qui feront quand même du bien. Oui, elle est là, oui. Non, j'étais à la logopède au téléphone, elle arrive. Non, c'est vraiment... C'est vraiment un enfoiré, je te jure. 18 degrés aujourd'hui au programme. Gary. Hey. Ouais. Tu manques, hein. Moi aussi. C'est allez. Bien. Au revoir. Bisous. Sia est sur votre radio. This is Radio Contact. Up with it, girl. It's my radio. Up with it, girl. Show them it, girl. Ba-da-bang, bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Ba-da-bang, bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor. Hit the dance floor. You baby, and I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You're worth more than diamonds, more than gold. As long as I can feel the beat. Mind if they just take control. I don't need no money. You're worth more than diamonds, more than gold. As long as I give dancing. Free up yourself, get out of control. Come on, come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long. Till I hit the dance floor. Hit the dance floor. You baby, and I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You're worth more than diamonds, more than gold. As long as I can feel the beat. When the beat just take control. I don't need no money. You're worth more than diamonds, more than gold. As long as get out of control. Me and you, girl, you and me. Chop it to the floor and make me see your energy. Because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me not touch a dollar in my pocket. Cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel. They just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, et Sean Paul avec Sup Thrills. C'est Radio Contact, il est 9h08. Géraldine est toujours en vacances. Voici donc le meilleur de Géraldine.

cœur léger. Je mettrai tout mon poids pour faire pencher la vie du bon côté. Le cœur léger, voir les hommes comme les doigts d'une main qui construit pour toi et moi nos utopies. J'ai le cœur éléphant, énormément. J'ai le cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Frère Au-delà Vega avec le cœur éléphant sur Radio Contact. Oh là là. L'info trafic. À 9h15 avec Aurélie, que se passe-t-il sur la route? Alors, il y a des files sur le ring de Bruxelles. Il y a vraiment pas mal de monde. C'est depuis Overijs. Overijs. Overijs. Elle parle suédois. Elle parle suédois. Génial. Antravinster. Je peux y aller, ça ouais, vas-y, okay. vas-y. Donc, il y a des files depuis Overijs sur la E411, depuis Asrod sur la E40. Il y a des files également à Grand-Bigard, à Zemst. Sur le ring, il y a des files. Oh, dis donc, hein. Mais t'as vachement l'accent français depuis que t'es revenu de vacances. Hein. Je ne suis sur pas le ring. En vacances. Ah, bah, dis français, donc, t'as côtoyé beaucoup français, de français. C'est chez les autres, normalement, donc voilà. Ah voilà, prout. Alors, il y a des files de Tervuren à Strandbeek dans l'autre sens de Wemmel à Vilvoorde. Et puis je vous rappelle que la N25 est compliquée ce matin. Et puis également le R3 de Marcinelle à Couillé. Bon, bien, tu étais parfaite entre 6h et 6h15, voilà. Sincèrement. Patience, prudence et bonne route. Ce matin, le Good Morning sort sa plus grande nappe pour le plus grand petit déjeuner feel good. Bon, le plus grand petit déjeuner feel good avec Ikea ici au parc de 7h à Spa, et on a des cadeaux à vous offrir sur place ici. On a promis des surprises, hein. Donc il y avait les petites saveurs suédoises et des surprises pour les 500 personnes aussi présentes ce matin ici à Spa, notamment des grands paniers surprises, des grands paniers complets avec plein de choses. Je vais aller voir tout près ce panier. Ah, tu peux venir en chercher un, pas de souci. Je vais en chercher un, vous dire ce qu'il y a dedans. Alors, c'est il y a quoi dedans? Regarde un peu, il y a du muesli, il y a de la confiture, il y a des brand mix, oui, parce que c'est tout Ikea évidemment, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on va permettre aux auditeurs ici présents de remporter. Alors, vous savez que vous avez tous un petit bracelet accroché à votre poignet. On a un petit tirage au sort qui va se faire maintenant. C'est Olivier qui va tirer, une fois n'est pas coutume, il va tirer au sort le numéro, et le numéro qui sortira remportera un panier complet. Olivier, on absolument t'écoute. On y va pour les numéros, attention, le premier, le 168. Le 168. Oh, j'ai l'impression de faire un bingo. Le 168, qui a le 168? 168. Le 168. Ah oui, elle est là. Allez, viens. Viens ici, copine, viens. Je donne le suivant déjà, Maria. Le attention, deuxième, le 192. Numéro. Deuxième numéro, le 192. Le 192. Elle me fait rire. Elle me fait rire. Quel deuxième numéro, le 192. Le troisième numéro, Maria, le 87. Le 87. Le 87, ça, monsieur, venez, monsieur. Numéro suivant, le 14. 14. La poule sans tête. La poule sans tête. 14. Le 122. Comment? 122. Le 122. Oh, Ensuite, on a 215. Le 215. Le 92. Attends, d'abord le 215. 215, on l'a. Le, okay, le 92. 92. 92. Le 200. Attends, est-ce que le 92 se manifeste? 92, ouais, est-ce qu'on l'a? Oui, il est là. Oui. Le 265. 265. Elle n'aura plus de voix. Elle n'aura plus de voix. Le 265. On a le 61. Le 61. Elle est là. Et enfin, on a le 241. Le 241. Voilà. Le 241. On a trouvé le 241. Voilà, tous les gagnants se rejoignent ici et vous allez pouvoir repartir avec un panier surprise avec plein de bons produits IKEA. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, ça vous fait plaisir? Super, merci beaucoup. Oui. Génial, merci et profitez bien en tout cas. Voilà, ils sont ici les paniers IKEA, on va vous les donner directement. Et puis ce qui arrive aussi, c'est la deuxième surprise Maria, la gourmandise de Maria. La deuxième surprise. La deuxième surprise gourmandise de Maria, ça arrive dans un instant. Ne bougez pas, on repart en musique sur Radio Contact. Ne bougez pas. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. On the beach, walking, always sun, never talking, then you call my name, and I know inside I loved you. Sail away, I miss you more until you see the shore. There I will be waiting, anticipating. on the beach, walking, always silent, never talking. Then you call my name, and I know it's time. I love you, sail away. I wish you more until you see the shore. Léo Sainz en souvenir sur Radio Contact, j'allais dire en surprise, mais non, c'est pas en surprise, c'est en souvenir. Black Coffee sur Radio Contact, 9h passé de 24 minutes. À 9h30, ce sera le retour de Nathanaël Poli pour le Contact News. Et puis alors ici, Maria, les surprises se succèdent. Alors, il y en a une deuxième, on vous l'avait promis, après les saveurs suédoises. J'ai ma petite surprise. Absolument, une surprise dont Maria a suivi la confection du début à la fin. Exactement, je peux déjà dire ce que c'est. Bah, vas-y, allez. C'est la gourmandise de Maria. Et la gourmandise de Maria, c'est un énorme macaron. Alors, on lui avait proposé un macaron de taille normale. Elle a dit, il n'y a pas moyen de faire plus gros. Donc, on lui a proposé un autre macaron un peu plus gros. Puis, elle a dit, mais il faudrait faire un peu plus gros. Ouais. Voilà. Et Aurélie était d'accord. Exactement. Et donc, voilà. Le macaron, il est vraiment gigantesque. Limite, ça ressemble à une tarte. C'est carrément une tarte. Deuxième surprise, gourmandise de Maria qui arrive sur Radio Contact, sur Radio Contact en tout cas, ici à Spa, et en direct sur Radio Contact jusqu'à 10h, puisqu'on est là pour le plus grand petit déjeuner feel good. Mo arrive avec Final Song. Bienvenue tout le monde. C'est le Good Morning sur Radio Contact jusqu'à 10h, on est de retour. Ouais, trop content. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur l'application Radio Contact. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. L'app Radio Contact à télécharger gratuitement sur l'App Store et l'Android Market. Radio Contact. Feel good. Tous les jours, dès 10h, sur Radio Contact. Rihanna a envie de franchir un cap, celui de devenir maman. La même rumeur laisse entendre que Drake devrait être le père de sa progéniture. Eh ben, dis donc, j'imagine pas du tout Rihanna maman. Ben alors là, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. On vous tient au courant sur Radio Contact, c'est promis. Delta en concert avec Radio Contact. En visant la lune. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Pour être de bonne humeur le matin, le Good Morning a son petit truc. Elle est en bleu, elle va rouge, il est où le va rouge. Le Good Morning, ça commence à 6h. Et c'est pas sûr qu'il tienne jusque 10h. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Ooh. But when you're gone, the music goes whoa, whoa, whoa, whoa. chanson. Alors là, on est en train de déguster ici la deuxième surprise, la gourmandise de Maria. Je peux vous dire, c'est succulent, un macaron géant. C'est ici la deuxième surprise de ce plus grand petit déjeuner feel good en direct depuis Spa. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoediscount.be. Shoe Discount. Contact News. À 9h30 avec Nathanaël Poli. Bonjour Nathanaël. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Que visaient le ou les auteurs? Question qui se pose après l'explosion cette nuit sur le site de l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique à Neder-Overhembeek à Bruxelles. Il s'agit bel et bien d'une bombe. Une voiture aurait forcé plusieurs barrières pour pénétrer sur le site. Corentin Simon, vous êtes sur place. Corentin, cette attaque n'a évidemment pas été menée au hasard. Et c'est donc visiblement bien ce bâtiment qui était visé par le ou les auteurs. La bombe a été placée juste à côté de ce laboratoire. Elle a explosé, créé un incendie et fait du dégât matériel à l'intérieur. Dans ce laboratoire, on analyse notamment l'ADN, des balles, des textiles ou encore des drogues. Des preuves donc récoltées sur le terrain par des enquêteurs. Deux hypothèses possibles, soit un acte terroriste, soit ce sont des malfrats qui voulaient faire disparaître des preuves. L'enquête est en cours ici. La police scientifique est en train de travailler. Des policiers vont aussi dans les entreprises voisines, peut-être pour récolter des images de caméras surveillance. Merci Corentin. Un périmètre de sécurité est toujours en place sur les lieux. Les travailleurs de ce zoning sont donc bloqués. C'est le cas notamment de Sana. Non, je ne peux pas passer. Les policiers m'ont dit que c'est impossible de passer. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Impossible de passer, c'est tout. Hein. J'ai dit ça dure combien de temps ? Ils disent qu'on ne sait pas. J'attends. En fait, il n'y a personne qui me répond. Alors je dois attendre. Le parquet de Bruxelles confirme l'explosion et qu'une enquête est en cours. Davantage d'informations seront communiquées dans la matinée. Ce drame près de Libramont hier soir. Un père et sa fille ont été abattus à leur domicile. Selon l'Avenir, les faits se sont produits dans le village de Huy-Demont. Un individu se serait introduit dans l'habitation avant de tirer sur les victimes. Il s'agirait d'un crime passionnel. La rentrée approche, le secteur touristique tire un premier bilan. Il est très positif pour la côte, beaucoup moins pour Bruxelles. La capitale a accueilli 20% de touristes en moins cet été. Conséquence, toujours des attentats du 22 mars. Les professionnels du tourisme à la côte, eux, évoquent le meilleur été depuis 10 ans. Charleroi, seul en tête du championnat, enseignement de la cinquième journée de la saison de football. Bruges, Gand, Anderlecht et le Standard ont perdu des points ce week-end. Zulte Waregem est deuxième devant Genk et Ostende. En football toujours, le tirage au sort des 16e de finale de la Croquis Cup, la Coupe de Belgique, se tiendra ce midi. Il se déroulera au siège de l'Union Belge à Bruxelles. Enfin, elle est bien la reine incontestée, la Queen Bee. Beyoncé a encore écrasé la concurrence cette nuit lors des Video Music Awards. Elle a remporté 8 prix, dont le plus convoité, celui de la vidéo de l'année. Récompense pour le clip de Formation qui évoque les violences policières contre les Afro-Américains. Côté musique, c'est Drake qui arrive avec One Dance. Nathanaël, la météo, ça dit quoi, mon petit chou? Eh bien, ça dit encore des nuages aujourd'hui, malheureusement, Maria. Quelques averses possibles par endroit, mais après, le soleil sera de retour. Les maxima oscilleront aujourd'hui entre 18 et 23 degrés. Demain, un temps sec et jusqu'à 25 degrés. D'accord. Alors, comme je suis pas à côté de toi aujourd'hui, t'as mis quoi? T'es habillée comment? Ah ben, j'ai mis une chemise, évidemment, Maria. Je pensais que j'allais te voir, donc je me suis fait beau, tout ça, et puis finalement, je ne te vois pas. Ah, c'est trop. Eh bien, remets la même chose. Enfin, non, ne remets pas la même chose demain. Non, mais habille-toi bien demain, d'accord? Oui, évidemment. À demain. Bisous, Nathanaël. Ciao, bonne journée. Baby, I like it so.

Et alors oui. moi ici au standard, grâce à une application qui s'appelle Je calcule le top 3, on arrive bien évidemment à un classement. Voilà, c'est tout aussi simple. Alors, ce matin, dans le top 3, Festival Maria del Rio pour ouvrir la saison. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui. Maria ne connaît toujours pas le nom du journaliste. Maria distraite, et alors pour terminer, Maria Bredouille, voilà. Alors, dis donc. Allons-y pour le numéro 3. Numéro 3. Allez. Oui. Maria, le journaliste, pour la dernière fois, s'appelle Nathanaël. Je sais. Écoutez. Contact News. À 6h30 avec Nathanaël Poli. Bonjour. Ça commence bien. Ça démarre bien. Tatanel. Je t'appelle tout le temps Tatanel, je sais pas pourquoi. C'est pas possible. Numéro 2. Maria distraite, alors avait-elle encore la tête en vacances ce matin? Ou alors, autre explication, peut-être était-elle sur un site internet en train de commander des chaussures de bohémienne? Enfin, Oui. Pourquoi tu dis des chaussures de bohémienne? Bah, parce que vous aimez bien le style bohémien, j'avais remarqué. Oui, j'aime bien les espadrilles. En plus, c'était tout à fait ça. Donc... Enfin, écoutez, distraite de toute façon, allez, on y va. Le soleil sera de retour, les maxima oscilleront aujourd'hui entre 18 et 23 degrés. Merci Nathanaël. Maria qui était au cinéma. Merci beaucoup Nathanaël. Mais que dire d'autre? Ben, prochain Contact News, ce sera que vraiment au cinéma. Voilà, que dire d'autre? On ne sait plus. On ne repartirait pas un petit peu en congé, Maria. Allez. Numéro 1, Clara, une toute jeune auditrice, était venue dire bonjour à l'équipe à Spa, bien sûr, elle était avec sa maman. Ouais. Alors, petite discussion avec la toute mignonne Clara, et puis hop, ça part en bredouille. On y va. Tu vas faire quoi toi aujourd'hui après alors? Je vais aller avec maman au travail, et puis ma fille va venir me chercher. D'accord, ceci dit, elle peut rester déjeuner avec nous, hein, si tu veux, Muriel. Non, elle va travailler avec toi. Bon, ça va, c'est que ta maman a envie de t'avoir prêt. Voilà, c'est ça. Ça va. Oh là là là là. Oh merde. C'est catastrophique quand même. Possible. Tu crois que je serais payé quand même? Non. C'est pas possible, mais j'en suis jamais. Attendez, quoi. On va juste se refaire plaisir. Silence à ta grand-maman. Silence. Elle va travailler avec toi. Bon, ça va, c'est que ta maman a envie de t'avoir prêt. Voilà, c'est top. Qu'est-ce qu'elle dit? On ne comprend rien. Ça va. On peut encore vous aller. C'était une toute belle. C'était une anesthésie locale. À demain pour l'anesthésie générale. À demain, JC. Coldplay avec Up and Up. Allez, le grand gagnant dans un instant. Celui ou celle ici qui repartira avec le deuxième chèque d'une valeur de 500 euros pour se faire plaisir chez Ikea. Ah là là, oh, c'était bon. On dirait que les coureurs semblent maintenant ralentir le rythme. Ah, avec un nouveau changement en tête et un nouveau leader qui emmène maintenant la course. Un vrai coup de fouet là pour tout le groupe d'échappés. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro. Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Mais oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Parfait pour les étudiants. Un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Et vice-versa. Un portable avec clavier pour les cours, une tablette avec écran tactile pour le cote. Ou vice-versa. On peut aussi jouer dessus ou regarder des films. Et avec le stylet, on prend des notes directement sur la tablette. Ah, il a aussi un processeur super rapide. Ouais, plus rapide que toi en tout cas. Et quand c'est nouveau et c'est bien pensé... C'est chez Vandenborg. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Regardez vite sur vandenborg.be ou dans l'un de nos magasins. Radio Contact. Feel good.